Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour et bienvenue sur les ondes magiques de la Rythme. Alors, pour ce 32e épisode spécial film 6, donc Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, donc on va vous refaire comme un des épisodes avec le film 5, on va parler que du film. Et donc avec nous ce soir, et ben vous avez toute l'équipe. Donc Purple. Salut. Ailis. Bonjour. Pruno. Bonsoir. Smokeman. Bonsoir. Et Deadeagle. Donc avant de se lancer dans tous les détails et tout, je propose d'avoir votre avis général sur le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc vite fait là, par exemple Pruno, qu'est-ce que tu en as pensé? Je vais commencer par la fin parce que c'est quand même ce qu'il y avait du pire. Donc s'il n'y avait pas eu la fin, ça aurait été, je pense que ça aurait été vachement bien. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant peut-être les premières 2h10 et puis après ça gâche tout. Et voilà, j'en dirai plus tout à l'heure. D'accord. Purple. Pareil, moi c'est un petit peu pareil, j'ai eu le même sentiment, c'est-à-dire que jusqu'à une bonne moitié du film, si ce n'est plus, je me disais presque dans ma tête, waouh, mais ça va être mon film préféré. J'ai trouvé ça énergique, enfin pareil, on reviendra sur les détails, et puis il y a eu la fin. À partir du moment où Dumbledore et Harry partent pour la caverne, et là c'est devenu vraiment mauvais, et ça gâche quasiment tout le reste, quoi. D'accord. Deagle ? C'est un joli film, joli avec un Z. C'est-à-dire que les images sont belles, mais alors au niveau de l'histoire et de l'adaptation, c'est une horreur. D'accord. Voilà. Le début et la fin, je suis moins partagé. Tu discrimines pas, toi. Non. Bon, la fin était pire que le début. Il y a des moments où c'est assez sympathique, mais bon, on verra ça plus tard. D'accord. Ailis. Bah moi je pense un petit peu comme Purple et Pruno en fait, hein. La première partie très sympa, enfin jusqu'à la moitié du film j'étais plutôt contente, il y avait quelques détails qui m'ont dérangée mais c'était très sympa. Et puis de toute façon la fin, voilà, à partir du moment où je me rends compte que la fin il va manquer les trois quarts, c'est plus passé du tout, donc voilà, bah enfin plus de précisions plus tard. D'accord, Smokeman. Moi je vais faire simple, le film se résume en 4B. Il est beau pour les yeux, il est bon pour le moral, il est bruyant pour les oreilles et il est bâclé pour les fans. Voilà. Oh, c'est bien dit. Oh, bravo. Alors, Smokeman, tu as gagné le droit de faire un billet de blog avec ce titre-là. Ok, j'essaierai. Ok, ben moi j'ai globalement bien aimé, il y a des bons trucs, c'est vrai que le début s'apprécie bien. La fin, comme vous, j'ai été assez déçue, mais bon, pas la caverne, ça a été, c'est disons après la caverne que ça a commencé à pour moi à être un peu du bâclé. Je suis d'accord avec Alena en fait. Hein. Tout à fait. Après, je savais qu'on n'allait pas s'attendre à un copier-coller, qu'il y aurait des libertés, et qu'il y aurait des trucs qui passeraient à la trappe, donc j'y allais sans me prendre la tête, quoi, on va dire. Mais je suis ressortie avec le sourire et tout, donc ça m'a assez plu, on va dire. Voilà. Donc maintenant qu'on a plus ou moins l'avis de chacun, je propose de se lancer dans le film une fois pour de bon, quoi. Et de commencer avec le début. Alors, avant de commencer le début, je pense qu'on peut même dire que c'était une prédiction qui avait été faite il y a un an de ça, quand ils avaient annoncé le recul de la date du film. Et je me souviens que Bruno avait dit, ce qui va être terrible, c'est qu'ils vont faire comme le film... Et là, normalement, quelqu'un complète avec le numéro, parce que je me souviens plus du numéro. 5, merci. 4, comme le film 4, à savoir qu'on va voir tout le film en pièces détachées. Et de fait, à chaque fois qu'il y avait un truc un peu intéressant visuellement, c'est quelque chose qu'on disait, oui, mais j'ai déjà vu quelque part. Ouais, ah oui, exactement, ça oui, moi aussi j'ai vu ça. Et c'est pénible, mais c'est pénible, c'est affreux. Voilà, et donc. Oui, quand je regardais le film, j'étais là, mais cette scène j'ai déjà vu en extrait, ça j'ai déjà vu en photo. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu un plan ou une séquence où j'étais là, tiens, ça je connais déjà quoi. Voilà. C'est vrai que tout ce qui était souvenir, on avait tout vu. Hein. Non, on n'avait pas vu la partie avec le deuxième souvenir. Non, pas souvenir. Avec Sogorm, mais celui dans l'Orphania, ouais. On avait tout vu. Bah moi, j'ai soigneusement évité tous les extraits, toutes les images depuis plus d'un mois, voire deux. Donc, du coup, j'avais vraiment pas vu grand-chose. Mais c'est vrai que j'ai pas mal apprécié par rapport aux 4 où j'avais vu tout le film. Là, c'était quand même vachement plus agréable. Le problème, c'est qu'il faut y arriver à s'empêcher de regarder les vidéos. C'était pas facile non plus. Oui, mais quand tu t'investis pour le podcast, tu dois te faire toutes les vidéos avant pour les commenter. Et même donc pas pour le podcast, mais pour les news aussi de la Gazette. Ah ouais. Pour les sous-titrer les vidéos, tu regardes chaque vidéo 4 fois. Hein. Ah ouais, bah là, ça vous laisse plus beaucoup de temps. Plaignez-vous, hein. Plaignez-vous. Podcast ou pas, vous les regarderiez, ces vidéos. Non. C'est pas faux. Non. Bon, après, c'est vrai qu'en décortiquant les bandes annonces aussi, voilà. Il n'y avait pas que des extraits aussi. Et donc, alors, cette scène d'intro, la première. Bah, la première, alors, c'est un retour au ministère, non? Un retour ouais, ça commence 5, tout... au tout début, il y a tous les journalistes qui prennent Harry et Dumbledore en photo. J'ai trouvé ça pas mal du tout, moi. Oui. Oui, moi, c'était pas mal. Moi, je me suis posé la question du pourquoi. À quoi ça sert? C'est le lien avec le film d'avant. C'est le lien, ouais. On en avait besoin? Est-ce qu'on en avait besoin dans les films précédents? Est-ce qu'on avait besoin de faire un lien? Oui, on avait un lien. Dans le 5, si tu te souviens bien, bon, c'est pas au tout début, mais quand Harry s'endort à un moment, on voit le flashback de quand Cédric Diggory meurt. Et on a un lien, c'est quasiment au début, quoi. Et on a un lien nouveau avec le 4. Au tout début du 2 aussi, on voit Harry, ça commence, Harry en train de lire le livre que Hagrid lui a offert à la dernière scène du 1. Il y a souvent un lien. Smokeman, oui, mets-toi dans la position de quelqu'un qui a juste vu le film, qui a pas lu les livres plusieurs fois et qui l'a vu il y a 2 ans, quoi. C'est vrai. Il a tort. Au moment où t'as acheté le DVD. On s'en moque, il a tort. Ah ouais, c'est ça. Donc t'as... Pardon, non, désolé. Non, je trouvais que le lien était pas mal, ça nous remet... Ah non, le lien était bien. Mais il a tort quand même, mais le lien était bien, je suis d'accord. Oui. Non, moi, en scène d'intro, en fait, je pensais vraiment à la... À là, l'attaque des Mangemorts qu'on voit avec leur traînée noire dans. Ouais. Ça, moi j'ai trouvé ça impressionnant et sur le coup, pour une scène d'intro, j'ai trouvé très bien. Oui, ça. Elle va à toute allure, elle est très bien faite et tout. Ça nous met dans l'ambiance de guerre, quoi, parce qu'à la fin du 5, ouais. On sait que la guerre est déclarée et que bon, le tome 6 commence avec ce discours entre les deux ministres et comme. C'est vrai que ça manque. Le discours, on aurait bien aimé le voir, nous, en tant que fans. Franchement, c'est un des chapitres les plus drôles du livre, donc c'est vraiment dommage. Voilà, mais enfin, ils ont préféré, je pense, parce que, bon, un discours, voilà, quoi. Mais si tu le mets en image, ça choque peut-être plus le spectateur. Du coup, ils ont pris cette liberté de faire la destruction du autant du côté sorcier que du côté moldu pour nous montrer qu'ils sont vraiment en état de guerre, quoi. Ouais. Non mais c'était pas, enfin moi ça m'a pas gêné qu'elle y soit pas, c'est juste que j'aurais voulu la voir, mais c'est vrai que je me doutais bien qu'elle y serait pas et qu'il y aurait pas de place pour ce genre de scène, quoi. Ouais. Dans le film. Bah après c'est sûr, une question de choix, quoi. Ouais. Bien sûr. Mais il aurait, enfin c'est vrai que moi j'aurais préféré une intro de film qui commence exactement quand Harry apparaît au deuxième chapitre, c'est-à-dire que qu'on voit les infos à la télévision ou qu'on voit un discours du Premier ministre à la télé qui t'explique un petit peu, voilà, oui il y a des défauts ou je sais pas, genre un discours du 14 juillet, quoi. Et en t'expliquant un petit peu ce qui s'était passé dans le monde moldu, et qu'on fasse ensuite le lien avec la gazette, le Daily Prophet, et qu'on voit les événements expliquer le côté sorcier. C'est... Oui, mais ça, les fans auraient compris, mais pas les gens qui n'ont pas lu les bouquins, c'est ça le problème. Et vis-à-vis d'un discours, des scènes très graphiques comme ça, ça passe toujours mieux dans un film. Hein. Ah oui, ouais, puis pour le coup, le message est passé, hein. Les Mangemorts attaquent tout le monde, même les non-sorciers, donc... Voilà. C'était efficace, hein. C'était très joliment fait, donc pour la scène d'ouverture, je la trouve plutôt sympa. Ouais, j'ai trouvé pas mal. Est-ce que on sait qu'il y a eu des morts sur ce mais pont quand même. Parce que quand on voit le pont s'effondrer, il a l'air complètement vide. Genre, il est complètement vide. Tu vois plein de gens dessus. Vide. Genre, il y a les vieux tout à la fin qui n'arrivent pas à courir assez vite, et puis ça, une seconde plus tard, t'as plus personne sur le pont. J'ai remarqué aussi. Il est vide. Mais on met sur le travelling arrière après, on voit des gens qui continuent à s'échapper sur les tout bords du pont quand ils s'effondrent. C'est vrai. Ouais. Et donc en même temps, ils enlèvent Ollivander, quoi. Oui. Oui. Oui. Donc ça nous prépare au 7e. Ouais, je pense. Et c'est Greyback d'ailleurs qui enlève Ollivander. Les autres sont masqués. Oui. Mais Ollivander, je l'ai trouvé très très maigre. Genre, c'était pas du tout le même acteur que dans le film 1. À mon avis, j'allais dire un sac sur la tête. Ouais, je sais pas s'il lui met un sac sur la tête ou quelque chose. Oui, on voit pas. Tu prends le premier. Ouais, moi, voilà. J'ai pas vu sa tête. Hein. Non, non, il a, ouais. Il a un sac acteur, sur la tête, une cagoule. Donc, il prend le premier. Ils auraient pu prendre quelqu'un avec la même corpulence, quoi. Ouais, je En même temps, il s'est passé 6 ans entre le premier film et le 6ème. Il a peut-être fait un régime, j'en sais rien. Ouais, moi, d'accord. Ollivander a fait un régime, très bien. C'est la non, mais c'est surtout qu'il était déjà vieux. Le baguette ne paye plus. Non, mais il était déjà vieux, donc il décrépit, c'est normal. Voilà. Et puis, faut pas oublier, peut-être qu'avant de l'enlever, il a eu des pressions des mange-morts, donc voilà. Ça l'a fait stresser, il a arrêté de manger. Hein. Ah oui, c'est ça. Il n'y avait plus de baguette, il n'y avait plus faim. Ok, bon, on va peut-être pas s'attarder non plus scène par scène, parce que sinon, ça va nous prendre 3000 ans. Oui. Mais on va avancer, quoi. Je sais pas, moi, ce que j'ai regretté au début, c'est peut-être de pas revoir les Dursley. Moi, ils m'ont pas manqué du tout. Hein. Non, je les ai jamais aimés. Non, je les moi ai non plus, aimés. Je les ai jamais aimés, mais de les voir quand même au début, bah, c'est... Ça me... Je sais pas. C'est traditionnel, quoi. Le voilà, bon, encore que dans le... Il y a... C'est dans le 4, non, qu'on les voit pas non plus. Ouais. Ouais, mais... La scène au début du 6 dans le livre est à mourir de rire quand même. C'est vrai que c'est dommage de l'avoir coupé parce que c'est très très fort. Avec Dumbledore qui vient les chercher à Charlie. C'est très très fort. Mais bon, effectivement, ça sert à rien. Donc si il faut couper des choses, c'est le genre de choses qu'on coupe. Oui, moi, ce qui m'a plutôt gêné, en fait, c'est la scène. Justement, ils ont remplacé comme ça avec l'arrivée de Harry dans le café. Il passe son temps à prendre le train, machin, et la protection de sa mère dans la maison, on s'en fout. Bah oui. Voilà. Non, c'est mieux de prendre ça, personnellement, ça m'a plus gêné. Non, c'est vrai que virer les Dursley pour le remplacer par une serveuse de café, qui est d'ailleurs très mignonne, mais c'est quand même dommage. Bah oui, parce que la protection de sa mère, bah pouf. Mais il suffit qu'il y ait son oncle et sa tante. Il a besoin de gagner. On n'entend quasiment jamais parler dans les films, donc c'est un peu passé à la trappe ce truc. Depuis quand Harry drague des serveuses dans des cafés, quoi? C'est quoi cette histoire? Non, ça c'était marrant, c'était un peu comme dans le troisième de Quaron. Ah non, ça m'a vraiment fait bizarre, quoi. Non, moi j'ai trouvé que c'était parachuté, que ça n'avait aucun rapport avec. Exactement, tout à fait. J'ai pas compris, c'est bon. Mais ça n'a aucun rapport avec le reste. Puis en plus, c'est l'air plus vieille quand même. Harry Potter, c'est un loser. Non, c'est ce qu'il dit. Hein. Puis en plus, attends, il lit la Gazette du Sorcier là, comme ça, dans le monde moldu, tranquillou. C'est peu crédible. Hein. Ouais, c'est vrai que là, j'ai un peu grincé des dents moi aussi. Moi, j'ai tiqué là-dessus. Hein. En plus, elle le dit, la serveuse. Ouais, j'ai cru voir des images qui bougeaient. Ouais. Oh, donc quelle blague. C'est pas très prudent quand même. C'était des gifs animés imprimés. Oh, l'humour de geek. Bon, continue. Continuons. En revient au début. Si. Oh, si, là je me suis marrée, mais peut-être j'ai été la seule. Enfin, peut-être ils ont pas été beaucoup à comprendre le rapport. Mais quand Dumbledore il est devant le poster là, du parfum, oui. Et qu'il y a des critos, c'est le parfum fait. Magic with you. Ouais, je sais pas ce qu'il y a marqué, mais un truc dans le genre, ouais, ce parfum est fait pour votre homme, quoi. Ah, votre oui homme. Et Dumbledore qui comate devant, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai retrouvé que, enfin, comme on sait qu'il est homosexuel maintenant, et je pense, je sais pas si pendant le tournage, il savait. Il le savait pendant le tournage. Ouais, ils l'ont appris au début du tournage. En plus, je crois, il s'appelle Magic, un truc dans ce genre, le parfum. Oui, quoi, un truc oui, oui. Magie divine. Donc, voilà, Magic Divine, en plus, pour votre homme, et tu vois Dumbledore en train de comater devant. Et ça m'a fait rigoler, mais j'avais pas fait le rapprochement, quand même. moi, si, justement, et je crois que, on a, justement, à ce moment-là, il y en a pas beaucoup qu'on rigolait, mais enfin, moi, je sais que j'ai bien ri, parce que, voilà, quoi, j'ai fait ce rapprochement, je sais pas pourquoi, de oui, suite. Non, mais je pense que t'avais raison, en plus, hein. Je l'avais pas vu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On peut passer à la suite. Qu'est-ce que vous avez pensé de la main de Dumbledore? La suite donc. Hein la moi je la voyais Dumbledore. Beaucoup plus cramée que ça. Hein. Ouais, plus cramée, ouais. plus dégueulasse quoi. Ouais. Ouais, je comptais y revenir plus tard, mais en fait ce qui m'a déçu c'est que c'est pas qu'elle soit pas assez crème ou quoi que ce soit, c'est qu'il s'en resserre pendant tout le long du film. C'est vrai. C'est qu'on on t'explique bien que c'est de pire en pire au fur et à mesure de l'année et qu'à la fin elle est complètement morte sa main quoi. Elle est noire, elle est complètement décrépite, d'accord, mais enfin il s'en sert plus. Bah, il s'en sert moyen. Je veux dire, à la fin, la scène de la cave, donc il tient sa baguette de la main gauche, justement. Ouais. Oui. Alors qu'il est droitier, donc c'est parce qu'il n'utilise pas la main morte. Donc il y a quand même des moments où ils ont fait attention. Mais elle n'a pas l'air très morte, sa main. Elle bouge des fois, voilà, c'est ça le problème. Elle bouge. La main qui bouge, elle fait mourir. C'est la chose dans la famille Adams. Mais dans le livre aussi, il la bouge, hein. Ouais. Mais j'imaginais plus cramé, c'est vrai. Puis là, on comprend pas du tout l'histoire du sortilège et tout, mais bon. Ouais, ça, par contre, c'est pas grave. C'est vrai qu'on comprend pas pourquoi elle est cramée, cette main. Bah non. Si, il le dit à un moment. Oui, il y a une allusion à ouais, c'est à rapide prix à payer parce qu'on pour, voit la bague pour en la même bague, temps. Mais c'est tout, mais quoi. C'est rapide. Hein. Il n'empêche que quand il transplane, j'ai trouvé des faits jolis. Oui, c'était très bien fait par rapport au Part au loin du 4 que j'avais pas du tout aimé. Là, j'ai trouvé que c'était assez bien fait le transplanage. Ouais, c'est joli, c'est énergique, c'est très visuel, j'ai bien aimé. Mmh. Ça te met un peu enfin dans le ça te donne envie de gerber quoi, je pense. Ce... Ah bon tu... oh non, moi ça me donne envie de faire ça. Mais toujours dans le même moment c'est enfin c'est pareil, ça c'est un truc qui tout de suite mais je me suis dit oula, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Dumbledore de nouveau ? Dumbledore qui parle de fille avec Harry quoi. Franchement, n'importe quoi. Et ça arrive plusieurs fois pendant le film, c'est horrible quoi. Au début déjà, et puis après, plus tard, ça arrive. Il lui demande ouais, dans le bureau et dans l'infirmerie, ouais. C'est, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Ça montre bien l'ambiance générale du film. Ouais, mais bon, c'est pas du il tout quand même Dumbledore, moins axé sur le mystère et sur la magie que sur les amourettes et tout ça, mais. Enfin, mais c'est moi, vrai que c'est, pas, c'est quand même inutile. Entre ça et la serveuse deux secondes avant, j'étais là, oula, ça va faire mal quoi. Attention les yeux. Accrochez-moi. Non mais c'est vrai, ça partait pour être un roman, enfin un truc, une adaptation de roman à l'eau de rose. Enfin bon. Ouais. Poursuivons. Horace. Horace, ouais. Ben je sais pas vous, mais moi il m'a fait plutôt bonne impression Horace Le Gorn. Je l'ai trouvé assez fidèle au livre. Moi je l'ai trouvé bon. Hein. Ouais, enfin, au-delà de la scène là, où il le découvre en fauteuil et de la scène qui suit, parlons d'Horace dans tout le film. Moi, je l'ai trouvé très bien. Et évidemment, au niveau physiquement, on l'avait vu sur les photos, moi, je l'imaginais beaucoup plus gros, Horace, clairement. Mais je trouve l'acteur très très bon. Voilà, niveau de description, c'est vrai qu'il est plus gros, qu'il a sa barbe en forme de morse, je crois, un truc d'ancien. Et bref, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de liberté au niveau du film et par rapport aux descriptions des personnages, donc voilà quoi. Mais après, le personnage correspond plutôt bien à celui du livre, avec avec son club. À chercher toujours les premiers de classe, à voler les petites plantes et le venin de. Ouais, c'est bien ça, fidèle. C'est le personnage, mais. Ses mimiques sont très intéressantes. Ah oui, il est toujours en train de lever un œil aussi. Quand il y a l'empoisonnement qui est totalement désemparé, une espèce. Un petit peu une espèce de dégoût, comme s'il avait mis la main dans une crotte, mais totalement neutre. On croit pas vraiment à sa fureur du début, par contre, ça c'est dommage, mais sinon, en tant que professeur Slughorn. Dans le genre mielleux mais pas trop, un petit peu, non pas femme, mais oui mielleux. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas, moi j'ai pas aimé l'acteur. J'avoue que j'aime bien Jim Broadbent habituellement, mais là je trouve qu'il colle pas au personnage. Moi j'ai trouvé qu'il était pas comment je me l'imaginais après avoir lu le livre. Mais en fait j'ai préféré ce qu'on a fait Jim Broadbent que ce que j'en avais fait dans ma tête. Il était beaucoup moins sûr de lui que ce que je m'imaginais à la base. Et même je pense que dans le livre il est plus sûr de lui que dans le film. Mais j'aime beaucoup comment ça présenté. Je trouve qu'il est plus intéressant comme ça que ce que j'avais en tête. Pareil. Je sais pas. Moi je trouve justement qu'il est il fait moins flatteur et suffisant. Que dans le livre où il est toujours là à parler effectivement oui moi je connais ci moi je connais ça machin et en fait là t'as l'impression qu'il le dit mais qu'il le dit sans avoir confiance en lui et c'est pas l'image que j'en avais. Ouais je suis d'accord mais moi je préfère commencer dans le film. Bah, ouais, moi je trouve qu'il a quand même bien. Il s'est approprié le personnage. Bon il en a peut-être fait quelque chose un petit peu différent mais il en a fait quelque chose d'intéressant quand même. Tu vois. Oui. Absolument. Oui. Bon, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix vu qu'il revient pour le film 7, mais mais je suis quand même un peu déçu. Voilà, du nouveau personnage du sixième film. D'accord. Ensuite, on a quoi comme scène? Bah Dumbledore et Harry Dumbledore genre lance Harry dans une mare devant le terrier. Il lance dans la mare. c'était très joli. Genre de blague, tu sais, c'est du gag du premier degré quand même. Hein. Ouais, c'est ouais. Ouais, il y avait beaucoup de blagues pas très fines, j'ai trouvé dans ce film. La topographie. J'ai trouvé que la topographie du terrier avait encore changé. Complètement, c'est clair. C'est clair. Du 2 au 4 au 6. Mais ça, pour le coup, on avait vu les bandes-annonces. Oui, pardon. De quoi ? On n'a pas compris. Oui, mais oui, la topographie du terrier a changé, je suis bien d'accord. Là, il y a plein de champs de céréales ou je ne sais quoi autour. Alors qu'avant, il y avait des bois et tout. Ouais. Et... Enfin... Tout à fait, tout à fait. Bon, Poudlard, ils ont largement changé la topographie. Je pense qu'ils ne s'arrêtent pas à ce genre de détails. Ils veulent créer un univers visuel différent. Faire leur propre version, j'ai l'impression. J'ai eu l'impression qu'ils ont changé la tour de Gryffondor. Pour moi, la tour de Gryffondor, c'était la... Vous savez, quand on voit la caméra qui tourne, tu vois... Avec la... Tom Felton... ouais, tu vois la vente avec Ron dans l'escalier. Tu vois Tom Felton sur la tour d'astronomie. Superbe scène. Superbe. Mais oui, on mais y reviendra. Mais à un moment, tu vois là, la grosse tour au fond, et pour moi, cette tour-là, c'était Gryffondor. Ouais, là, elle me paraissait plus allongée, plus petite en fait. Et il me semble même que dans le jeu vidéo, alors tu confirmeras après ou pas, mais que dans le jeu vidéo, la grosse tour, c'est celle de Gryffondor. Mais après, je. Bah, il me semble que la tour qu'on voit là dans le film, c'est pas la tour de Gryffondor, tout simplement. C'est juste une tour dans laquelle Ron et Lavande se baladent pour se trouver un endroit tranquille. Moi je pensais que c'était la tour de Gryffondor aussi. Je sais pas ce que j'ai compris. Il me semblait qu'il y avait des lits en arrière-fond, mais oui, c'est possible. Non, c'était non, c'est des marches. Moi j'ai vu des escaliers, mais bon. Et peut-être qu'ils dorment sur des lits en marche d'escalier. Hein, ou... Ouais. Bon, d'accord, ben j'ai rien dit. Si on revient au terrier, oui, ça a changé. Par contre, au niveau. Alors bon, le plan de. Il arrive dans la mare, c'est gag premier degré. Par contre, un truc qui m'a fait super rire, c'est. Ouais, mais je sais que vous êtes d'accord avec moi. C'est, il y a Ginny qui arrive, Harry, puis tu vois la mer, et puis Ron avec ce plan en contre-plongée dans des escaliers. À savoir que Purple s'est marré pendant 5 minutes avec cette scène. Hein. C'est clair. Cette scène est magnifique. Elle est trop bien faite, j'ai adoré. C'est vrai que t'as l'impression de voir un épisode de série américaine des années 60, tu sais, le vrai soap drôle qui doit faire rire toute la famille. Mais ça c'est fait super drôle. Ça fait gag, mais ça fait pas gag de premier degré, genre j'ai les pieds dans l'eau, tu vois. Oui. J'ai vachement aimé. Mais t'as un beau plan, tu vois, d'en dessous, là, c'est vachement bien. J'ai aimé. Oui, c'est vrai, très très joli. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Moi j'ai trouvé que c'était pas très fin comme blague, mais enfin bon, désolé. C'était bien. Je crois que personne dans ma salle. Ouais, ça tombe à l'eau, quoi. Ouais. Donc, le plan ensuite après le terrier, c'est le chemin de traverse. Donc, c'est la famille Weasley qui se rend chez la boutique des jumeaux. Et là, je sais pas vous, mais là, à nouveau, on en prend plein les yeux, quoi. Oui. Un peu comme dans le 1 quand on rentre dans le chemin de traverse ou quand on rentre dans la partie magique et qu'on voit tout qui vole et tout. Détail que j'ai vraiment adoré, c'est l'ombrage. La fausse ombrage. Oui, la petite ombrage. Ah, oui, c'est énorme. Ça, c'est un ajout qui est génial. C'était pas mal, ça. Je peux vous laisser glorifier 30 secondes la scène et puis après j'en parle ou... Oui, d'accord, laisse-nous glorifier un petit peu. Pourquoi ? Le magasin est super bien fait. C'est vrai qu'on l'attendait, ce magasin. Et avec tous les petits détails qu'ils mettent, c'est vraiment bien. Oui, mais je trouve qu'ils étaient habillés bizarrement, les Weasley, quand même. Ouais, en fait, j'ai adoré le magasin, mais j'ai pas aimé les jumeaux. Ouais, mais... Je trouvais que les Fred et George, eux, ils étaient pas très en orange en fait. Ils parlaient d'une voix qui était pas si enjouée que ça. Enfin, c'était voilà, ils allaient pas avec le reste. Je sais pas, moi j'ai vu en VO, en VF. Oh, quelle honte. Honteux. Il y avait pas de VO là où j'étais. Je propose une motion pour qu'on censure Elena de ce podcast. Ah oui, c'est ça, c'est qui héberge là pour éjecter C'est moi, mais de toute manière, non, au contraire, Elena est en symbiose avec bon nombre de nos auditeurs, à mon avis, donc c'est très bien que tu sois là, Elena. Je sais pas, quel fire, quoi, Purple. Non, mais je veux dire, pour le coup, ça m'a pas trop choqué, enfin, ça m'a surtout fait plaisir de les voir, donc à la limite, je m'en foutais en gros. Non, bon, c'est, d'accord. C'est une bonne raison. Bon, disons du mal, Spockman. Ouais, vas-y. Oui. Donc, la scène de... pour parler juste des jumeaux. Effectivement, comme Bruno, les jumeaux, c'est leur seule scène du film. Ils sont quand même très décevants par rapport à ce qu'on a pu en voir les fois précédentes. Ils sont quand même vraiment sous-exploités. Le magasin lui-même, il est très très bien. C'est une explosion de couleurs et de machins, de petits trucs et tout ça. Mais c'est un peu à l'image du film. C'est un film d'exposition. C'est-à-dire qu'on prendrait une photo et on la mettrait sur notre mur à côté des autres scènes du film, bah c'est tout ce que ça ferait. Voilà, ça dure 35 secondes et puis après terminé. Je les apporte. Là, t'as touché un point important, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas que les jumeaux. J'ai trouvé que beaucoup des acteurs étaient sous-exploités, genre McGonagall, Rogue, Russard, qu'on voyait, mais assez souvent dans les derniers films. Là, il a eu une scène ou deux, je sais pas. Mais comme tous les autres, une comme scène, au bal. Comme David Tirlish, comme Tom. J'ai l'impression qu'on a vu que Harry dans ce film, hein, mais vraiment. Oui, c'est vrai. Harry et Ron. Harry et Ron. Et Dumbledore un petit Ginny peu. Ginny un peu plus. Et Malfoy. C'est quand même le même personnage. Et Drago un peu plus, voilà. Mais les autres, ils ont été carrément relégués. C'est quoi Hermione, on l'a pas vu du film, quoi. Je sais même pas si Neville ouvre la bouche de tout le film. Non. Si, si un moment, au bal, ah oui, voilà. Ah oui, au bal, ah oui, voilà, bon, mais là, il fait vraiment figuration, Neville, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça dommage, quoi. Parce que c'est vrai que même Dean Thomas... Mais ouais, lui, il n'ouvre pas la bouche. On le voit embrasser. Non, voilà. Mais pas de... Et son ami, Seamus Finnegan, là, il dit une seule phrase, c'est tout. Et il se fait exploser le chaudron. Oui, non, il ne parle pas, il fait juste boum. Il parle sur Ron aussi. Il parle sur Ron pour le Quidditch. Ouais, voilà. Ah, et c'est tout. J'ai déjà oublié ça. Non, et McCormack, il y avait aussi un potentiel énorme avec McCormack. McLagan, il est pas mal quand même. Hein. McLagan, il est pas mal. McLagan est très très bon. Franchement, il est bon. Et ben là, tu vois, je te rejoins complètement parce que je trouve que ce garçon a du potentiel. Hein. Il est sous-exploité à fond. Je sais pas s'il a autant de potentiel qu'un Olivier Dubois, mais franchement, oh c'était fort. Oh. Écoute, s'il part pas faire sa propre série à côté, ça va. Voilà. Le spin-off Cormac McLagan. Franchement, ça le fait. Moi, je trouve que ils ont trouvé un bon acteur qui est bien comme il faut. Ouais, mais t'inquiète pas, il sera sûrement engagé pour l'épisode 3 de. Ah non, merde, je ne vais pas en parler. J'ai rien dit. Tais-toi, toi. Pardon. Et, oui, donc pour en revenir au Weasley, c'est quand même une scène qui est jolie, très jolie même, mais qui sert absolument à rien. Et on s'attend. Enfin. Ça dure pas longtemps, c'est un peu comme tout le reste du film, si tu veux. C'est un enchaînement de scènes mis plic-ploc, limite on les mettrait dans le désordre que ça choquerait pas. Et tout parabolo, et voilà, il y a rien à suivre. Ça, c'est la partie du film que t'as aimé. Alors je me demande ce que ça va être la partie du film que t'as pas aimé. Hein. C'est tout le problème de ce film, c'est que j'ai aimé chaque scène prise individuellement à peu près, à part la fin, mais ça on n'y est pas encore. Mais tout mis à la suite, franchement, pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre et donc qui verrait que le film, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Si, on ne sait jamais quand on est, à quel moment de l'année on est, où est-ce qu'on est, quoi que ce soit. Je veux dire, c'est un film qui est fait. T'as l'impression qu'il est fait pour les fans, mais il est mal fait. T'as l'impression qu'il est fait pour le public, mais il est mal fait aussi de ce côté-là. Tu vois, je suis d'accord qu'il y a un problème de rythme là-dedans et de. Mais au final, il y a quelques petites scènes qu'ils ont incluses uniquement pour les fans. C'est pour ça qu'une scène comme ça dure 20 secondes. C'est aussi que s'il l'avait coupé, on les aurait insultés pendant des heures. Bien sûr. Ouais. Donc il fallait qu'il l'inclue, mais c'était pas la peine d'en mettre plus que ça, quoi. Mais non, je dis pas qu'il en fallait. Oui, c'est vrai. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des trucs qui créent des incohérences derrière. Par exemple, on nous parle de la poudre du Pérou. La poudre du Pérou, au final, Harry, il va s'en servir dans le Poudlard Express. Et par contre, comme il n'y a pas de bataille à la fin, eh ben, ils s'en servent plus à la fin. Donc, pareil, toute la gamme des Weasley qui doit servir pour défendre les gens du ministère et tout. Ça aurait été trop compliqué à expliquer, bah ouais, ça. Bon. Ouais, je suis d'accord, mais bon. C'est pas grave de pas l'inclure. Mais je trouve ça bien quand même qu'ils aient mis la scène chez les Weasley parce que sinon, on leur aurait craché dessus. Alors. Ouais, non, puis c'est aussi une présentation aussi un peu des nouveaux personnages parce que c'est dans la boutique qu'on rencontre pour la première fois Lavande et l'autre, là, Cormac McLagan. D'ailleurs, on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est à ce moment-là, mais il commence déjà à zioter Hermione. Ouais. Ah, oui, il est juste derrière. Ouais. Enfin bon. On enchaîne parce que là, on peut y passer des heures hein, sur cette scène. Ouais, enfin, moi. Il y a Barjo et Burke. On va peut-être parler des Malfoy quand même avant et peut-être. Oui, on a un peu raté la scène du l'impasse du tisseur. Voilà, on l'a un peu oublié. Mais ceci dit, cette scène-là était très bien, parce qu'elle elle était très fidèle. Elle est superbe. Ouais, la scène avec les décors sont magnifiques, et l'image est magnifique, tout est bien là-dedans. À part la musique, et Narcissa Malfoy qui est quand même pas bien du tout comme actrice. Je sais pas si vous l'imaginez comme ça, mais pas moi. Non, la majorité de ses cheveux qui sont noirs alors qu'elle devrait être blonde, et puis moi j'imaginais plus belle. Plus jeune et plus belle, ouais. Plus jeune, ouais. Vous savez qu'à la base, c'est elle qui devait jouer Bellatrix. Ouais, tout s'explique. Ah oui, d'accord. Mais elle l'avait pas pu parce qu'elle est tombée enceinte, et du coup, ils l'ont recyclée en Narcissa Malfoy. Bah bravo, enceinte, mais elle a au moins 65 ans. Helena Bonham Carter en Bellatrix, je pense pas qu'on puisse vraiment faire mieux. Hein. C'est sûr. Franchement, elle est restée aussi hystérique que dans le 5. Moi, ce personnage me plaît. Complètement. Et pour en revenir à l'impasse du tisseur, moi j'ai adoré le moment où Snape dit Wormtail, enfin, queue de verre, va-t'en. Et il explose la porte à la tête. Bonjour, Snape est arrivé dans le film, attention, ça peut commencer là, préparez-vous. Franchement, c'était ça pour moi, quoi. Par contre, les hésitations de Rogue, justement, sont vachement bizarres quand il fait le serment inviolable. Ouais, mais c'était pour nous montrer le côté. C'est pas le souvenir que j'avais gardé. Alors effectivement, ouais. quand tu veux montrer qu'il est pas sûr vraiment que qui sait, que du coup on sait pas de quel côté Aaron quand t'appelles le livre, ouais, mais c'est un contresens par rapport à la même scène dans le bouquin, je trouve. C'est ça, quoi. Ou qu'il laisse Bellatrix lui parler comme ça, ou lui tourner autour, machin. Enfin, c'est pas ce qui se passe dans le livre. J'ai pas l'impression que ça arrive. Il manquait un peu d'explication. Toutes les questions que Bellatrix lui pose, ils auraient pu en inclure une ou deux pour voilà, faire montrer qu'il joue vraiment un double jeu et que les gens croient vraiment qu'il avait trahi, parce que là, c'est pas forcément très clair, quoi. Non, je sais pas. Si on veut croire que c'est un mange-mort, on y croit. Moi, j'ai pas trouvé ça très clair, le fait qu'il était. Mais justement, c'est tout ça l'ambiguïté de la scène, donc non, moi je la trouve pas mal. Ce que j'ai juste trouvé dommage, c'est que le serment inviolable. Le serment inviolable. De rien. Et ben, je m'attendais à un truc plus brillant là, c'était des petits serpentins tout fins. Oui, décevant. Moi je le voyais, en fait, vraiment comme dans la couverture du livre. C'était sur la tranche, je crois. Ouais. Non, ou derrière oui, sur la tranche du livre. Moi je voyais un truc comme ça, donc c'est vrai que dans le bouquin, on a un filet qui se rajoute à chaque question, et là, ouais. Pouf, il se passe rien. Là, c'est pas juste... trop. Par contre, j'ai aimé un autre truc, par contre, ça c'est un détail qu'ils ont rajouté, c'est les cicatrices que ça laisse après. Ça c'est très bon. Oui, c'est ça. C'est très bon. Oui. Ouais. Ça aussi j'ai remarqué. Je me suis dit, ils ont mis une corde, ils ont serré à fond pour laisser marque. C'était le moment technique, je me suis dit, ah tiens, c'est sympa. Je fais la même chose. Sinon, on en était à Barjo et Burke. Mais... Oui, c'est Malfoy. Barjo et Burke, on les voit dans le 2, et là, on les voit pas du tout. Ouais, mais allez, c'est pas très grave, ça. Pas bien grave. Bon, moi, en fait, là, j'ai commencé à être déçue, déjà. Parce que, direct, Drago l'armoire. Commence à s'intéresser à l'armoire. Donc, on sait direct ce qu'il cherche. Oui. Alors, bon, bah, vous voulez avoir une surprise? Bah non, c'est raté, vous êtes tellement bête qu'on va tout vous dire au fur et à mesure. J'ai vraiment tiqué, là. J'ai fait, non, c'est pas possible. Ça peut être voilà. Plus simple que et là, c'est le début de la fin. Ouais, mais l'annoncer dès le départ, ça permet tous les plans suivants dans le film. Tous les plans où on le voit retourner dans la chambre. Est-ce que j'ai pas aimé non plus Room en fait. Room requirement, ça. La salle sur demande. La salle sur demande. Je traduis parce en anglais, que, j'y arrive pas, je suis désolé, mais c'est beau essayer, j'y arrive pas. Et ça permet de faire tous les plans suivants où tu le vois faire ses tests et tout le bazar. Parce que ça sert à rien de nous le cacher de toute façon. Vu qu'il n'y a pas de bataille finale, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de surprise. Comme quoi, il y a les mangements dans Poudlard. Ouais, mais bon, enfin, nous, je suis bien d'accord que le film est différent du livre, mais c'est vrai que nous, pendant tout le livre, enfin, moi, je me suis demandé ce qu'il essayait de fixer comme ça, tout fixe, que je savais même pas ce que ça voulait dire fixe. Ouais. Voilà, il m'a fallu 600 pages pour comprendre, mais bon, chacun ses problèmes. Donc, on cherche à savoir ce qu'il veut réparer tout du long, et là, bon, bah, on leur zappe complètement l'effet de surprise. Tant pis pour eux. Mais je pense que s'ils avaient pas fait ça, ça aurait été très dur de faire des scènes avec Malfoy. Parce que dans le livre, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est Harry qui cherche à comprendre ce que fait Malfoy, et en soi, on voit pas souvent Malfoy. Mais en fait, le truc, c'est que dans le 6, Malfoy est quand même un personnage qui est assez intéressant, et si tu veux t'es obligé de le montrer en train de faire ses expériences, et du coup, t'es obligé de le montrer devant l'armoire. Il tente quand même, enfin, il fait ses expériences, mais on sait de suite qu'il est avec l'armoire, quoi, puisqu'il est pas si... Bah, à la limite, qu'il nous montre l'armoire, tant qu'on sait pas ce qu'on sait, on sait pas exactement ce que c'est, ça va. Mais le pire, c'est après, quand Monsieur Weasley dit à Harry, c'est une armoire à disparaître. Enfin, le truc qu'ils ont trouvé chez Malfoy, je sais plus où, là, enfin, à un moment donné, ils ont une discussion comme ça. En même temps... Là, il nous spoil vraiment, quoi. On n'a pas le temps d'essayer. Je suis d'accord, mais en même temps, nous, on a pas mal d'explications qui tombent à la fin du film. À la fin des livres. Je veux dire, s'ils doivent tout condenser pour la fin du film, Déjà qu'on n'a pas souvent des explications claires et nettes à la fin, s'il commence à omettre des trucs, s'il doit tout attendre pour la fin, on n'aura jamais un truc correct, quoi, je veux dire. Non mais je comprends tout à fait leur choix, justement, ils pouvaient pas tout expliquer avec des flashbacks et tout, je suis bien d'accord, mais résultat, enfin les gens, ils ont pas d'effet de surprise, quoi. Voilà. Ah non, mais bah, ouais, il faut choisir après pour la compréhension, quoi. Ouais, parce que si tu vois tout d'un coup des gens apparaître comme ça d'une armoire, tu vas te dire, mais c'est quoi ce Beans, quoi. Flashback. Je suis pas sûr que ce soit évident non plus que il utilise l'armoire pour faire rentrer des vengements dans Poudlard. Voilà. Nous, on le sait parce qu'on a lu le livre, mais quand t'as pas lu le livre, ouais, à mon avis, tu le vois faire de l'expérience avec l'armoire, tu sais pas qu'au final, il va passer des gens par là pour aller tuer Dumbledore. Ça bon, attends, entre le discours de Dumbledore au début, la plus grande arme de Dumbledore, c'est vous, lui, tu sais qu'il fait quelque chose de bizarre, et puis après, tu te rends compte que petit à petit, c'est un moyen de faire rentrer des choses vivantes. Bah, moi, je pense que les gens qui ont pas lu le livre, ils vont pas deviner, à mon avis. Ils comprennent. Effectivement, ce discours de Dumbledore au début est totalement nul. Mais je crois pas que tu te dises à la fin, ah bah c'est évident, il fait ça pour faire rentrer Bellatrix. Ouais. Je demanderai à mes spectateurs témoins, j'en ai, qui n'ont pas lu le livre. Moi aussi, mais je pense, c'était le moyen le plus facile pour que les gens comprennent sans... Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est des choix, voilà quoi. Voilà, c'est des choix. Bref. Bon, on va poursuivre. Oui. Parce que après le chemin de traverse, c'est Poudlard, non? Ouais, non, c'est le Poudlard Express. Je sais pas si vous voulez en dire un mot. Bah, pas grand chose, de toute manière, on savait, on avait appris avant que ça serait pas Nymphadora. Bah, moi je savais pas. Mais c'était Luna. Moi je savais pas. Bah, ouais, fallait écouter nos épisodes, hein, tu l'aurais su. Mais non, mais justement, je ne veux pas avoir ces informations-là, je veux profiter vraiment du film. Et comme ça, t'es bien déçu sur le moment, c'est cool. Sur le coup, c'est vrai qu'on n'a pas été déçu. C'est qui tout double? Non, moi ce qui. Non mais ouais bon à la limite on le savait mais ce qui m'a bien plu c'est que je crois que c'est à ce moment-là non que Drago il fait une référence à tomber à nouveau de la tour d'astronomie hein. Ouais. On en parlait au dernier podcast vous l'aurez au prochain en fait puisque c'est tout en décalage et on parlait de ça justement qu'il y avait une référence à la tour d'astronomie et là on la retrouve dans c'est Malfoy qui dit ça un moment dans le wagon. Ouais. Oui, tout à fait. Et là, j'ai souri, quoi. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on en avait parlé, justement. Je sais pas. Bruno pourra peut-être. Enfin, vous pourrez peut-être me dire si je me trompe, mais je crois que c'est dans cette scène-là qu'on voit pour la première fois Pansy Parkinson. Oui, on l'avait déjà vu dans la nouvelle Pansy Parkinson. C'était pas dans le 2. Ouais, c'est la nouvelle, parce que je crois qu'on l'avait vu dans le 2, non? Dans le 3. Oui, dans le 2. Eh ben, je sais pas vous, mais moi je préfère largement celle-là à l'ancienne. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Oui, c'est la nouvelle est bien que l'ancienne. Ah ouais, c'est clair. limite, j'aurais bien aimé un griffon dans celle-là, tu vois. Ah non, elle a une tête de serpentard, justement. Non, elle est très bien dans ce film-là. Ça, c'est des réflexions de gars, parce que moi, au contraire, les petits blagues genre Blaise Zabini, moi j'ai trouvé très très bien. Eh putain, il est bien, Blaise Zabini. Moi je l'ai trouvé, il a du potentiel lui aussi. Hein. En plus, je sais pas vous, mais moi Zabini, je pensais que c'était un italien, donc je pensais blanc avec le sourcil épais. Mais non, il est black. En plus, ils disent qu'il est noir. Ouais. J'ai dû louper ce passage, j'ai dû oublier. Non, c'est rien, mais quelqu'un était censé appeler ça. J'étais certain qu'il était italien ou quoi que ce soit. Donc blanc. Il a vachement la classe, hein. Zabini, franchement. Ah ouais. Bien. Ils choisissent bien leur joueur de Quidditch. Hein. Ah, il a. Non, merde, j'ai tout. Putain, je vais pas réussir à pas en parler. Après. Oui, non, à part Marcus Flint, bien évidemment. Lui, je l'exclus des joueurs de Quidditch qui ont du potentiel. Ouais, à part ça, le Poudlard Express, voilà. Et donc, c'est quand même Luna qui trouve Harry à l'aide de ses lunettes. Ouais. J'ai trouvé ça pas mal que une des théories complètement farfelues de Luna soit en fait vraie et même soit utile. Parce que c'est vrai. Bah c'est ce qui se retrouve vu qu'elle le retrouve parce qu'elle voit des petits machins, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, ça. On saurait pas te dire. Des fouines, je sais pas quoi, enfin je sais plus, j'ai oublié. Mais c'est justement parce qu'elle les voit qu'elle pense qu'il y a quelqu'un dessous. Donc il semblerait que moi j'ai pas pensé ça, j'ai plutôt pensé que ces lunettes, vu que c'est des créatures imaginaires, hein, soyons honnêtes, pour moi ces lunettes voient autre chose. Elles voient quoi mais alors pas ces créatures à la con parce qu'elles n'existent pas, mais voient, je sais pas, la trace d'un sanctuaire. C'est des pellicules alors? Je sais pas, mais pour moi ça voyait autre chose et pas des bestioles imaginaires quoi. Ouais, non, mais c'était le petit dessin de moucheron là qu'elle suivait, ouais. Bah ouais. Oui. Bah, c'est peut-être ça, c'est Snark et Goggle, je sais plus comment ça s'appelle. Qui rentre dans tes oreilles et qui te donne la migraine. Ouais, c'est ça. Faut forcément que ce soit pas très gros. Enfin. Passons. Oui. Ensuite, on a Poudlard. L'entraînant Poudlard. Ouais. Voilà, avec le. Et le discours de Dumbledore, mais en fait, je l'ai pas écouté. Enfin, je l'ai pas lu parce que c'est de la VOST. Évidemment, faut que je regarde les sous-titres. Et en fait, je l'ai zappé, donc vous pourrez me le raconter parce que je regardais les images, en fait, et il y avait ce hibou qui couvre les ailes. Ouais. Toi aussi, t'as aimé le hibou. Ouais, mais moi, j'écoutais en même temps, mais j'ai oublié ce qu'il disait. Oui, mais... le hibou, il bouge avant le discours. Après, il est fixe. Hein. Ouais, mais je suis restée sur le hibou, je trouvais ça fun. Moi aussi. Attends, il va bouger. Je te jure qu'il va bouger, regarde. Arrête, c'est trop bien qu'il ouvre les ailes. C'est le pupitre. Pareil, je sais qu'il présente les profs. Oui, voilà. Non, ça, j'ai suivi. Et je sais pas. Et d'ailleurs, j'étais. Oh là là, je me rappelle trop de la scène quand nous on avait découvert le livre 6. Et justement, quand on apprend que Rogue est professeur de défense contre les forces du mal et que Pruno l'avait dit, il avait fermé son livre et il avait dit faut que je réfléchisse. Et là, juste à ce moment-là dans le film, j'ai repensé à Pruno qui avait fermé son livre pour dire faut que je réfléchisse. Et franchement, je m'attendais à une réaction, tu sais, dans la grande salle de Poudlard. Ouais, ça a rien passé. Il y a quand même un peu quand même. Vas-y, bah, c'est très plat. T'entends Serpentard qui applaudit et qu'est-ce qu'il fait. Non, il se passe rien. Moi, ça j'sais m'a. Pas, c'est vrai que leur réaction. On voit pas le trio et tout. Je sais pas. Ouais, moi je m'attendais à ce que Harry fasse la gueule, quoi. Bah ouais, un truc et je trouve qu'il se passe rien. De toute façon. Moi, je m'attendais surtout à avoir au moins une ou deux scènes de cours de défense contre les forces du mal. Voilà, mais là, c'est là où j'allais en venir et c'est une grosse déception, c'est qu'on a aucun cours avec Rogue en train de donner un cours de défense contre les forces du mal. Ça manque. Donc, à la limite, la présentation, c'est un gros bide. Et de toute façon, on a aucun cours, donc à la limite, ils auraient pu passer ça à la trappe. C'est ça, quoi, on s'en fout, quoi. Bah, vu qu'ils parlent pas du tout de la malédiction non plus sur le professeur de défense contre les forces du mal à la fin. En fait, Rogue, il aurait pu devenir surveillant général à la place de Risa. Ça aurait rien changé, quoi. Oui, c'est clair. Exactement, il aurait pu même prendre le cours de Shurav ou autre. Oui, ou devenir prof de claquettes, mais enfin, le principe n'est pas. Ouais, ça lui irait bien. De toute façon, il y prof en de a claquettes, rien. Oui. De toute façon, au niveau cours, il y en a rien que pour les potions dans celui-là. Ouais. Bah ouais, c'est ça, là. Bah, il y a un cours de potions. Non, il y en a deux. On voit un petit bout d'un deuxième cours. Oui, il y a un petit bout de deuxième dans une scène avec de la musique au fond, quoi. Ouais. Mais bon. Par contre, au moins, il retourne en cours en uniforme comme dans le premier film. Ouais, avec mais avec les cravates, avec les toches de sorcier, tout le bazar. Ça, ouais, mais dans les autres films aussi, ils sont là en cours en uniforme, mais je veux dire, vrai, ils passent aussi beaucoup de temps à venir. Oui, non, c'est vrai, bon, c'est en dehors de cours qui sont bien n'importe comment. Ouais. Pardon. Ouais. Et là, c'était le cas aussi. Bon alors, maintenant qu'on est à Poudlard, on va peut-être parler plus concrètement de ce qui se passe à Poudlard, et donc de ce sixième opus à Poudlard, on parlera surtout, je pense, enfin, on retiendra surtout toutes ces histoires de cœur de ces jeunes adolescents en pleine avec les hormones en ébullition. À peine nubile et déjà obsédé. Ouais. C'est bien. Ayant l'âge mental d'une ado de 14 ans, moi ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ça m'a beaucoup plu. C'est dur. Purple, c'est dur. T'es dur, franchement, c'est dur. Je suis dure avec moi-même dans ce cas. Non, franchement, j'ai trouvé ça vachement bien. Ron, on le savait déjà, mais un réel potentiel comique. Ah ouais, franchement, il était. Moi, enfin, j'ai. Enfin, ah oui, ça s'exprime. Il était très bon. Oh, quand il est sous le charme des chocolats de Romil Daven. Mais là, c'est juste mais mort de rire, quoi. Ouais, il est quand même excellent. Ouais. Non, Ron, il est bon tout le temps. Il est des essais du test de Quidditch à la fin du film. Ah ouais. Les essais du test de Quidditch, c'était énorme. Ah ouais, moi, je l'ai trouvé énorme dans ce film, Ron. Il était excellent. Les trois principaux, ils ont enfin appris à jouer, en fait. C'est ça, l'avantage. Oui, ouais. Harry est en partiel. Hermione, oui. On l'a tellement pas vu. Oui, parce que quand même, je sais pas vous, mais j'ai trouvé que sur certaines scènes, Harry, il a une tête, mais d'imbécile heureux, quoi. Ah, mais ça, c'est surtout dans la scène de Félix. Mais elle a mourir de rire aussi. Non, parce que celle-là, c'est fait exprès, donc j'ai trouvé plus normal. Mais il y a certains moments, ouais. Franchement, il m'a l'air... J'ai l'impression que c'est un Bennett, les dieux du village. Il sourit, il sait pas pourquoi. Bah, on a un peu cette impression quand on voit des interviews de lui, hein, je veux pas dire. Ouais. Bon. C'est peut-être parce qu'il est amoureux. Par contre, on parlait du Quidditch. C'est vrai que le match de Quidditch, à partir du moment où Ron croit qu'il a la potion de chance, il est quand même excellent. Tous ses arrêts sont plus grotesques les uns que les autres. C'est vraiment bien. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai pas compris dans le Quidditch. Vous allez peut-être pouvoir m'expliquer. C'est pendant les essais, il dit que c'est pas parce que les gens étaient dans l'équipe l'année d'avant que leur place est assurée. Donc, même par exemple, Katy Bell, elle repasse les essais. D'accord. Oui. Pourquoi Ginny est à côté de lui alors ? Ginny passe les essais aussi, mais elle l'aide juste à faire régner l'ordre. Elle l'aide. Ouais, voilà. Ouais, moi, on aurait dit qu'elle passe pas ses essais. Ouais, c'est passe droit un peu. Ouais. Hein. Mais tu la vois après sur le balai. Elle est pas passée droit, elle est passée sous la table plutôt. Mais. Smoke ma. Vous allez passer à la casserole, c'est comme on veut, mais. En tout cas, je sais pas vous, mais moi le Quidditch j'ai adoré, il était bien violent, il se foutait des belles patates, il se fonçait dedans. J'ai adoré. Ah oui. Ah, ça, comparé... c'est le Quidditch que j'aurais aimé voir dans la Coupe du Monde dans le film 4. Ouais, oui. Voilà, mais déjà dans le 3, ça commençait à devenir un peu violent. Bon, ils étaient sous l'orage, il y avait des éclairs et tout. Mais le 1 et 2, en comparaison, mais c'est du truc de d'amateur, quoi. Ah là, c'était du plus, pur et dur, bien violent. Dans le 1, les effets sont pas encore si terribles que ça. Ouais, là, ça va à toute allure et tout, c'est vraiment bien. Ah, ouais, en 5 ans, ils ont autant les perfectionnés. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que c'est très très bon. C'est la scène du match de Quidditch, c'est magnifiquement filmé. Ouais. Il faut reconnaître ça à David Yates. Ça n'avait pas été fait depuis Quaron, mais il a pas démérité sur ce coup-là. Ouais. Ça fait du bien de retrouver le Quidditch. De retrouver aussi les supporters, quand on voit Hermione, Luna et Lavande qui sont sur les gradins aussi, puis Lavande qui est trop sous tension quoi pour Ron et oh, tout. Mon Ron, non. Mais par contre, Luna elle est en plein milieu des Gryffondors, ça pose de problème à personne. Et le lion il a pas rugi. Il y a pas que des Gryffondors. Non. Ouais. Mais son chapeau était quand même vachement il bien. Il était génial. La première fois qu'il apparaît. Chanté, Et on n'a pas eu droit à la chanson Weasley is our king quand même. Ouais. Non, c'est vrai. Mais la première fois où Luna apparaît avec son chapeau quand même, je sais pas vous, mais dans la salle c'est bien marré quoi, au banquet. Ouais, pareil. Ça c'était très fort. Pareil. Donc, pour revenir à toutes ces scènes-là, alors justement, au final, toutes ces scènes de cœur et tout, eh ben, ça suit assez le livre quand même. On voit Ginny et Dean se bécoter, on voit le plan des oiseaux de Hermione qui les lance contre Ron et tout. Finalement, c'est quand même assez fidèle, hein. Oui, sauf qu'ils ont inversé les scènes de baiser de Ron et Harry avec Ginny et Lavande. Oui, sauf pour la partie avec Ginny qui est quand même une catastrophe. Enfin bon. Alors, on va y arriver. C'est une catastrophe. On va laisser t'exprimer après, Bruno. Pour l'instant, on va faire le reste, d'accord ? Ah non, mais je n'en parlerai pas trop. Je me retiendrai pour la prochaine fois. Non, mais c'est bon, là, on est parti sur la scène de Ginny. Non, mais là, on est parti sur Ginny, donc on y va. Mais c'est une catastrophe, ce baiser. C'est pour ça que moi j'ai dit que j'ai commencé à être déçue à partir du moment où Dumbledore et Harry sont sur la tour d'astronomie et qu'ils s'en vont dans la grotte machin. Parce que là je me suis dit, et la scène avec Ginny alors c'était ça. C'était ça. Et alors là, déception. Direct. Parce que là je me suis dit. C'était décevant, c'est décevant. Décevant. Je l'attendais aussi après le Sectus Sempre, j'ai vu ça, j'ai fait oh merde. Ah moi j'ai vu la scène et j'ai presque entendu Bruno dire non. Ah mais je l'ai dit. C'est tu sans bras d'ailleurs qui était pas si terrible, j'ai trouvé que c'était même pas si sanguinolent que ça. Oui, c'était décevant aussi le Sectum Sempra, c'est vrai. Ouais, moi j'étais un peu déçu, ils auraient pu faire un truc plus trash quand même. Attends, on parle des scènes d'amour ou de... Non, du Sectum Sempra parce que c'était voilà. Parce que c'est un peu de l'anti-amour, tu vois. Ouais, c'est toutes ces scènes sont c'est pour ça. Non, la scène de torture qui est très bonne, par contre, c'est celle avec Katy Bell qui se retrouve crucifiée en l'air. Oui. Ah oui. Ça, j'ai beaucoup aimé les effets. Pareil, elle m'a vraiment fait peur. J'ai encore plus aimé la réaction de Ron après quand McGonagall leur parle et Ron répond, écoutez, moi je me pose la même question depuis 6 ans. Oui, c'est excellent ça. C'était superbe. Même si je les ai trouvés assez immobiles pendant le coup de Cathy. Ah oui, ils bougeaient pas. Ils essayent de la sauver, ils la prennent et tout machin. Mais c'est vrai que la petite blague avec McGonagall et Ron, c'était très très bien. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Et il faut dire aussi Hermione qui est bourrée juste avant ça, c'est marrant. Ah oui, ça aussi j'ai trouvé, mais j'étais morte de rire. Quoi. Ça correspondait pas du tout à Hermione, mais d'avoir dans cet état-là, c'était juste hilarant. Quoi. Oui. Et tu sais, elle les prend par les coups, tu sais, elle les sert bien et tout, puis il faut qu'elle redevienne... Parce que voilà, avec la scène de Katie, mais c'était bien marrant, quoi. C'est vrai, mais c'est les scènes comme ça qui sauvent tout le reste du film. Oui. Mais bon, pour parler un peu des amours, moi je voudrais quand même dire que je sais qu'il y a des gens qui se plaignent qu'en gros il y avait que les amours dans le film, mais au final j'ai trouvé que ça prenait pas tant de place que ça. Je veux dire, c'est plein de tout petits trucs parsemés par-ci par-là, mais je suis sûr que si tu les collais tous ensemble, ça remplirait peut-être. Qui était... Ça remplirait peut-être 5% du film ou un truc comme ça, quoi, donc ce serait pas du tout énorme. Le problème c'est que ça manque de subtilité, c'est visible à 30 km. C'est... Ah oui! Elles sont nulles, ces scènes. Enfin, c'est ce que je disais, c'est que les blagues sont pas fines du tout. Mais en soi, je les trouve pas gênantes et surtout, je trouve pas qu'elles gênent le reste de l'intrigue. Non, elles gênent pas le reste de l'intrigue, sachant que c'est entrecoupé la scène de Cathy, les scènes de souvenirs, la scène de Septum Sempra. On a quand même les infos qui doivent être un peu importantes qui sont données, quoi. Voilà, il y a toutes les infos du tome 6 sont quasiment toutes données, mais par moments, elles sont survolées, quoi. C'est pas trop approfondi. Comme dans les autres films. Ouais, mais enfin, le 4 reste un massacre quand même au niveau des... Oui. Enfin, je veux pas dire, mais au niveau des thèmes abordés, le 4, c'est le pire, quoi. Il y en a eu que pour le tournoi Elbal et le reste que dalle. Alors que là, on voit quand même un peu de tout, et dans le 5 aussi. Hein. Bah, oui. Moi, je suis assez d'accord avec Elena, mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux amené dans le film 5, et pourtant, Dieu sait que j'ai pas aimé le film 5. Je trouvais que c'était beaucoup mieux tourné. Mais les enchaînements de scènes et tout ça étaient beaucoup mieux faits que dans le film 6, où, bah, comme je le disais tout à l'heure, ça s'enchaîne, mais on ne sait pas vraiment comment. Il n'y a pas trop de lien entre les scènes. Limite, on pourrait le remonter pratiquement dans l'autre sens et ça ne changerait pas grand-chose, en fait. Du moment qu'on garde le début au début et la fin à la fin. Voilà, quoi. Je me demande si c'est pas partiellement fait exprès, ça, quand même. Parce que dans le livre, il y a aussi ça, d'une certaine façon. T'as le chapitre 1 sur les Moldus, le chapitre 2 sur Rogue, le 3 sur Slughorn, un chapitre sur un souvenir, etc. Ouais. C'est saccadé aussi dans le livre. Ouais. Et donc, je me demande si c'est pas dit, bah tiens, on va faire la même chose dans le film. Même si c'est, au final, ça fait que c'est raté. Mais peut-être que c'est fait exprès. Je sais pas. Parce que moi, j'ai retrouvé que chronologiquement, les événements allaient comme dans le livre, quoi. Donc, mais oui, non, mais chronologiquement, oui, mais pour nous qui avons lu le livre, mais je veux dire, il n'y a pas l'enchaînement. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, sur le coup, ça m'a pas effleuré, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes où même moi, je me suis demandé, mais attends, on est avant Noël ou après Noël? On est à quel moment? Je sais plus où on était. Justement, parlons de Noël et cette scène d'attaque au terrier. Ah, oui. Parce que là, sur le coup, ils nous rajoutent une scène d'action, genre ça manque d'action dans le 6, donc on rajoute une scène d'action. À côté de ça, la scène d'action de la fin, ils nous la zappent. Donc, la scène d'action de la fin, ils l'ont zappée parce qu'ils avaient peur que s'ils en mettaient une et qu'après ils mettaient la bataille de couloirs dans le 7, celle du 6 fasse un peu genre juste celle du 7 en miniature. Ce qui peut se comprendre. Ouais, mais ça aurait pu être pas mal. Enfin bon, tu coupes pas la moitié du 15 entre deux. Bien dans le 7, et pour l'instant, ils l'oublient, quoi. Mais ils auraient pu faire une sorte vraiment de course-poursuite, parce qu'ils essayent vraiment de rattraper Rogue et Drago et tout, et ils auraient pu la monter complètement autrement, alors que la bataille dans le 7, c'est vraiment la bataille de front, quoi. Ils y vont dans tous les sens et tout. Ils vont peut-être revenir sur la scène des Weasley, oui, parce que c'est là qu'on revenir sur la scène du terrier. On verra la fin plus tard. Je trouve que on en a déversé des litres et des litres d'encre à en parler avant de voir le film, et maintenant qu'on l'a vu, je trouve ça assez décevant, en fait. Non, moi pas qu'elle soit décevante ou rien, mais ça nous remet un peu dans le bain, parce que la première scène du film, on a dit que c'était l'attaque avec les Mangemorts qui attaquaient autant le côté sorcier que Moldu. Et c'est vrai qu'après, on part un peu sur Poudlard et toute cette histoire de guerre, on l'oublie un peu parce qu'on tombe dans leurs histoires d'amourettes et compagnie. Et le fait de retomber au terrier avec cette attaque, je trouve que ça nous remet un peu dans cette ambiance de guerre qu'on avait tendance un peu à zapper. Moi, la joue, il m'a pas dérangé. Je trouvais que la scène était sympa. La joue m'a pas dérangé du tout. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils aient remplacé la fin par ça, quoi. Et là, ça a plus aucun sens. Mais c'est vrai qu'en effet, vous avez raison. L'ajout de cette scène, elle s'explique. Oui. Ils ont voulu justement remettre un petit peu de tension et de guerre dans tout ça. C'est vrai. Mais c'est au détriment d'autre chose. Je veux dire, cette scène s'explique pas. On nous dit pourquoi est-ce que Bellatrix et Fenrir et Greyback, parce qu'on en voit que deux, hein, en fait. Donc pourquoi est-ce que ces deux-là ont décidé comme ça d'aller attaquer le terrier le soir de Noël à minuit? Parce que, à mon avis, c'est un ordre de Voldemort, mais après, surtout ces deux-là, parce que c'est les deux mangements récurrents du film 6. Ah, oui. puisque les autres, bon, ils font un peu, les Alectos font un peu figure de, enfin, ils sont figurants surtout. De figurants. Et c'est les deux grands mange-morts du film 6, puisque les autres sont aussi à Azkaban. Lucius Malfoy n'est plus là. Bellatrix Lestrange. Non, c'est vrai justement, que... y a... non. Lucius est... Attends, là, je t'attends tout de suite, les autres ne sont plus à Azkaban. On voit, ça c'est dans le film aussi, on voit un article de journal où on voit Lucius Malfoy et l'article est titré « Dernier prisonnier d'Azkaban ». Non, ouais. Non, c'est pas le dernier, c'est lightest, ça veut dire que c'est le dernier en prison. Le plus nouveau, le plus récent. Ah mince, ouais. j'ai mal lu, ça va, compte à moi. Il est en prison. J'ai mal lu, ça va. Et comme nous, des mange-morts, on sait surtout que c'est Bellatrix et Lucius, et ben voilà quoi. C'est pour ça qu'il a fallu un peu remplacer Lucius, et c'est pour ça qu'ils ont mis Greyback. Oui, ils voulaient pas inclure de nouveaux personnages, ils ont pris ceux qu'on connaissait. Voilà, bon, à la limite, ils auraient pu en mettre un ou deux masqués, on s'en foutait quoi. Mais ben voilà, ça c'est du figurant. C'est bon. Et la question qui se pose en tout cas, maintenant que le terrier a brûlé, où est-ce que va se faire le mariage? Avec qui est-ce que va se faire le mariage? Y aura-t-il oui, mariage? Parce que... Y aura-t-il mariage? Oui. Qui les mariés? S'il y a mariage, à mon avis, ce sera Tonks que c'est Lupin, non? Parce que Bill et Fleur sont d'ailleurs déjà en couple à Noël. Oui, ils sont oui, alors là, quand Tonks sort du mont, chérie, à Lupin, j'ai pas tout compris. Hein. Mais bon, oui, là, c'est moi aussi, j'ai kiffé là. Ah oui, je crois, y a pas tout le monde qui a tilté d'un coup qu'ils étaient en couple, quoi. Enfin, je veux dire... Nous, on a bien tilté, hein. Si, je veux dire, on a tilté qu'ils étaient en couple, mais attends, dans le 5, ils ne l'étaient pas, et tout d'un coup, ils le sont, enfin... Voilà, quoi, ça fait bizarre, quoi, sur le coup. Bah, c'était un clin d'œil pour les fans, c'est pareil, c'est pas capital du tout, donc c'est pour nous, quoi. C'est parachuté. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, le problème, c'est que pour quelqu'un qui a pas lu les livres et qui découvre rien du film, c'est beaucoup d'informations à choper vraiment du tac au tac. Ouais, mais s'il l'avait pas du tout mis, on aurait râlé encore plus. Donc. Oui, mais c'est beaucoup d'informations qui sont pas importantes du tout au final. Dire que tu oui, peux facilement fait, comprendre pas le film en entier sans te rendre compte que Tonks et Lupin sont en couple. Exactement ça, oui, bien sûr. Mais s'ils ont essayé de l'inclure quand même dans le film 6, ça veut dire qu'ils comptent en parler dans le film 7. Donc est-ce que le mariage dans le film 7 sera celui de Tonks et Lupin? Le fait que Tonks soit enceinte dans le tome 7 va être sorti dans le film 7, c'est une question qui se pose aussi. À mon avis, ils auraient plus, maintenant qu'on a compris que Tonks et Lupin sont en couple, qu'ils nous mettent Tonks et Lupin au mariage dans le tome 7 et qu'elle soit enceinte, ça me semblerait beaucoup plus logique au niveau de la réalisation que de remettre Bill et Fleur, qu'on n'a pas revu depuis un bail et dont on n'a jamais entendu parler. Voilà. Bon, ça fera grincer. Les fans on grinceront sait des dents. On sait qu'il y aura Bill et Fleur dans le set. On sait qu'ils seront présents dans le film. Et on sait également qu'on ira à la chaumière aux coquillages et tout ça. Oui, d'accord, mais là, ils vont nous sortir une embrouille dans le genre ouais, voilà quoi et tout. Mais ils vont pas nous faire un mariage de Bill et Fleur alors qu'ils n'ont jamais parlé de ça avant. Enfin, je pense pas. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. On verra. Peut-être qu'on va les voir. Pour en revenir à la scène de Noël, faut quand même, dans ce cas-là, que Elena, tu nous parles de ce grand moment de lassage de Charles. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ridicule. C'est affreux. Oui, c'est ridicule, mais... très équivoque. Hein. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? En fait, ouais, pour vous expliquer la scène de lassage, en fait, il y a récemment, donc c'était une information comme quoi, Daniel Radcliffe a dit qu'il était atteint de dyspraxie. De dyspraxie, voilà. Et que du coup, il a quelques problèmes moteurs. Et que donc, nouer les lacets, pour lui, c'est pas évident du tout. Hein. Et du coup, ils avaient annoncé que dans le film, c'était Ginny qui lui ferait une scène comme ça. C'était un peu bizarre, quand même. Hein. Ouais, parce que quand on est... Enfin, du moins, quand on n'a pas l'info à l'esprit à ce moment-là, on peut penser à quand même complètement autre chose. Et déjà, en premier lieu... Qu'est-ce que ça peut bien foutre là? À quoi ça sert? Voilà, en premier lieu, bien entendu. Ça sert à ce que Harry se casse pas la gueule quand il va poursuivre Bellatrix juste après. C'est vrai, ça aurait voilà, été. Mais déjà, on commence à sentir que entre Ginny et Harry il se passe quelque chose parce que la scène du biscuit avec Ron qui les interrompt et qui arrive avec son gros plat au milieu. Là aussi, c'est juste, mais. Ah, c'est des comiques, quoi, ouais. Et là, tu te dis, ouais, ils vont enfin pouvoir s'embrasser, et après le coup du lacet, et finalement, non, grosse attaque. En fait, ils n'ont pas de bol, quoi. Comme dit Monox, c'est des ficelles grosses comme des câbles de transbordeur, quoi. C'est énorme. Tout à fait, mais moi, je trouve ça génial. Ouais, c'est... c'est gros quand même. Mais oui, mais tu vois, d'un côté, c'est marrant parce qu'ils essaient d'instaurer une ambiance comédie romantique, Love Actually, tout le bazar, et t'as Ron qui se ramène au milieu. Et, c'est, en fait, c'est un peu comme Willy Cyphers dans Notting Hill, tu vois. Il est, oui. Qui vient se mettre entre Julia Roberts et comment il s'appelle déjà l'autre Hugh Grant. D'ailleurs, on reverra cet acteur dans le tome 7, non? Je crois qu'il joue le père de Luna Lovegood. Je l'ai pas dit par hasard, Elena. J'attendais bien qu'il fasse la remarque. Mais on voit des ficelles énormes, des gags, je veux dire, franchement potaches. Et à côté de ça, on a une scène de baiser, mais complètement nulle par rapport à ce qu'on aurait dû avoir, quoi, par rapport à la scène du livre. Alors il y a un moment, ils nous montrent des ficelles comme ça, il se passe rien. Ouais, c'est vrai qu'on s'attend à un baiser genre comme Harry et Cho, mais encore plus fougueux et compagnie. Un truc fougueux, quoi, vraiment. Voilà. Scène, et là. Et finalement, ça reste assez discret, comme en fait comme Ginny et Harry, quoi. Ils sont assez discrets dans leur relation, je sais pas. Enfin, ça reste un peu à leur image, on va dire. Moi, je suis clairement restée sur même ma si j'ai été déçue. C'est sans doute ce qu'ils voulaient faire, quelque chose de profond et délicat, et tu comprends, c'est du vrai amour, donc on ne se jette pas comme Ron et Lavande l'un sur l'autre, d'accord? Mais je suis restée sur ma faim. Oui, oui, on est tous restés sur notre faim, je pense. Surtout Bruno. Non? Moi, je ne dis rien, mais j'en pense pas moins. Hein. Sans compter qu'il est censé la larguer. Oui? Oui, il la largue pas, on se rend compte qu'il est. Oui, il la largue pas à la fin, là. Ah non, ils sortent carrément ensemble à la fin. Enfin, c'est dit quoi. Il la prend dans ses bras parce qu'il est tout malheureux. Ça se trouve, en fait, dans le film 7, on verra le mariage entre Harry et Ginny. Oh, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a Harry et Ginny? Mais non. Le mariage entre Harry et Ginny dans le film 7, plutôt celui dans tes rêves. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Et donc, dans le film 7, vu qu'on a déjà vu les photos d'après, quand ils s'enfuient, donc le marié va s'enfuir sans la mariée. Oh là là. Ah ouais, mince, ça marche pas. Il la laisse planter devant l'hôtel. Non, c'est vraiment un salaud. Ah, oh, ça va faire un bon film, ça. Ce qui m'a le plus déçu dans cette histoire entre Harry et Ginny, c'est que Ginny, à aucun moment, elle est montrée comme étant, comme elle est dans le livre, comme étant super forte, quoi. Genre, tu la vois jamais lancer des sorts trop marrants ou être avec là à défoncer la gueule à des gens, etc. T'as l'impression que c'est genre juste une petite fille qui est mignonne et que du coup, genre arrive à défendre et bon, ils s'entendent bien entre eux. Elle est un peu espiègle, mais ça se limite à ça. Elle a quasiment pas de personnalité dans le film. C'est vrai. Elle a pas beaucoup de lignes non plus. Hein. C'est vrai que dans le 5, on commençait à la voir super forte déjà quand elle balançait ses réductos et qu'elle détruisait les mannequins. On se disait peut-être dans le 6, ils vont continuer dans cette lignée-là, la faire encore plus forte. Et c'est vrai que là, même quand elle est au milieu de sa mare avec Harry, elle se défend ridiculement, je trouve. Hein. Ouais. Bah, elle bloque des sorts, mais tu la vois jamais attaquer. Ouais, voilà, moi je pensais qu'elle allait leur balancer un truc, quoi, et voilà, quoi. Je sais pas, non. Un sortilège chauve-souris ou un truc comme ça, mais non, il y a juste quelques protégo et ça se limite à ça. Voilà, en plus, quand elle pleure, là, avec... C'est au repas, non, qu'elle arrive en pleurant et tout. Ouais, c'est slogan. Ouais. Ah oui. C'est bizarre, ça faisait pas trop Ginny, je trouve. Non. Mais Ray a particulièrement apprécié le dessert. Oui. C'est drôle. Encore une phrase pile qui sert absolument à rien. Oui. Mais qui m'a fait bien rire. Mais on a du grand Cormac. Ah oui, oui. Oh oui, oh là là. À la fête de Slughorn quand il vomit sur les chaussures de Rogue. Ah, c'était magnifique, là, ça, oui. Vous avez gagné un moins de retenue. Mais, en tout cas, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Au début, vous avez dit, ouais, Rogue est sous-exploité. On le voit quand même vachement plus que dans les autres films. Non, moi, je l'ai trouvé génial pendant tout le film. Le seul moment où il manquait quelque chose, c'était à la fin. Mais c'était pas lui, c'était le scénario qui manquait quelque chose. Ouais. Il manquait quelques phrases de lui qui auraient fait toute la différence, quoi. Ce qui est dommage sur Rock, c'est qu'il est vachement présent dans le livre et que dans le film on va pas du tout. Et en fait, à aucun moment on cherche à savoir qui est le prince de Sang-Mêlé. C'est ça. Et tu le balances à la fin comme ça. Oui, voilà, quand il lui dit à la fin, j'avais complètement oublié cette histoire de Sang-Mêlé. On a l'impression que c'est une info super importante alors qu'ils auraient pu. Mettre l'accent sur d'autres de ces répliques qui nous manquent cruellement. Ouais. Tout à fait. Eh bien, maintenant on va repartir sur les souvenirs de Voldemort. Mais avant ça, on va juste pour vous prévenir que Ailis est partie, elle part en voyage. Donc elle nous a un peu lâché en plein milieu de l'enregistrement, mais c'est pas trop grave, on va continuer parce que bah, nous sommes toujours là, les cinq autres. À votre donc, service. Voilà. Donc on va poursuivre avec les souvenirs de Voldemort. Donc ils sont au nombre de 3 dans le film, si j'ai bien compté, non? Oui. Une fois avec l'orphelinat et 2 fois celui de Horace Le Gorn, et c'est tout. Oui, donc ça fait 2 quoi. Ouais, en fait c'est 2. Ouais, 2,5. Allez, 2,5, soyons fous. En tout cas, ils sont trop bien ces souvenirs. Tu les trouves trop bien ces souvenirs? Bah, il y en a un en fait qu'on avait déjà tout. Oui, bah, je vais te laisser t'expliquer pourquoi, Bruno, parce que je suis pas d'accord en fait. Non, moi non plus, vas-y. bah, non, mais c'est surtout que moi j'adore les 2 jeunes acteurs. J'adore leur ce qu'ils ont fait à la voix qui fait qu'elle est super froide et qu'elle résonne un peu et tout. J'aime beaucoup leur physique. J'adore leur regard qui est également absolument glacial. Ouais, moi aussi. Et au final, c'est en fait c'est tout ce qui compte dans ces souvenirs, c'est que c'est ces gamins qui jouent vraiment vachement bien. Ouais. La lumière est fantastique comme dans tout le film d'ailleurs. Tout film. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une parenthèse, il faut savoir que le directeur de la photographie, c'est Bruno Delbonnel, français, qui est quand même le directeur de la photographie de Jean-Pierre Jeunet, qui a quand même mis en image le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou Un long dimanche de fiançailles. Un long dimanche de fiançailles, ouais. Qui sont des films graphiquement magnifiques. D'ailleurs, ce qu'il voulait faire pour les souvenirs, c'est que très souvent les souvenirs sont filmés soit en noir et blanc, soit en sépia. Enfin, c'est rendu en noir et blanc ou en sépia. Et là, ce qu'il voulait faire, c'est en fait faire un souvenir plus liquide. Il voulait avoir cette impression de liquide filmé dans la pancine. C'est assez flou par moment. Et c'était volontaire en fait. Oui, et l'effet d'introduction est fantastique. Quand il verse le liquide et le liquide forme petit à petit l'ensemble de la scène. Ça se on se dissout dans le souvenir, enfin l'image se dissout dans le souvenir, c'est magnifique. C'est merveilleux. Ouais. Ouais, c'est comme quand on laisse tomber des taches d'encre dans l'eau, quoi. Ouais. Des coupes d'encre, ça fait cool. Absolument. Et après, toujours sur la lumière, effectivement, tout le souvenir d'orphelinat a une teinte verte qui est absolument. Absolument, mais on croit prémonitoire en quelque sorte. Ouais. Vu que tout le souvenir de l'orphelinat tourne sur le mot de la fin, je peux parler au serpent. Bien sûr. Et comme celui souvenir suivant, celui avec Le Gorn, est empreint d'une lumière très très froide comme ça, qui coupe, qui enfin ça rend vraiment le souvenir assez glaçant quoi, glacé. Mais là je trouve sur le coup on remarque vraiment qu'on est dans un souvenir parce que je sais pas si vous vous rappelez du 4 où Harry tombe dans la pancine, je vais dire la piscine, bravo. Souvenir de week-end. Il tombe dans la pancine donc et bon Pouf. Sur le coup ça fait voilà et il y a un petit effet et tout, mais c'est vrai qu'après on se retrouve dans un décor et enfin je trouve ça faisait pas souvenir quoi. Enfin ça restait la même pellicule que le reste du film. Alors que là on a vraiment une différence, un contraste qui fait que différence qu'on voit aussi entre le film 4 et le film 6, c'est que dans le film 4 Harry et Dumbledore sont présents dans le souvenir alors que là en fait ils ne sont pas présents. D'un point de vue externe, ouais, c'est vrai. Voilà, théoriquement, quand tu rentres dans les livres, quand tu rentres dans la pancine, tu es dans le souvenir. Donc tu marches, tu suis les personnages, tu es libre de tes mouvements, on va dire. Comme on le voit dans le livre 5 où Harry bouge pour rejoindre son père dans le souvenir de Rogue et non pas suivre Rogue. Alors que là, on est d'un point de vue extérieur. Là, je te coupe, mais dans le 5, on voit que des images à nouveau. On voit pas Harry dans le livre 5. Dans le livre 5. Oui, dans le livre, oui. Oui, dans les livres, oui, c'est certain, ça. Dans les livres, voilà. Oui, on suit les personnages, je vais tout de même tout au long du 6. Le parti a été pris de ne plus inclure les protagonistes extérieurs dans le souvenir, mais d'en faire justement une vision complètement externe. Et c'est ce qui permet peut-être d'avoir ces images et ce contraste visuel que tu signalais entre le film 4 et le film 6. Mais même dans le 5, en fait, il y a un contraste déjà. David Yates mettait le contraste, puisque on avait cette impression de flou aussi, même si c'était pas aussi fort que dans le 6. Voilà, ça durait quelques secondes et c'était plus un enchaînement de plans, plutôt que là où ça dure un petit 2-3 minutes. Ouais, on peut avancer. Mais pourquoi t'as pas aimé Spokman? Mais c'est. Parce que là, comment t'en parles, t'as l'air d'avoir aimé. Ben, enfin, oui, la mise en scène et l'image m'a beaucoup plus. C'est sous l'acteur qui joue Tom Riddle dans le deuxième souvenir que j'ai pas aimé du tout. Je sais pas pourquoi il a une tête qui me revient absolument pas et je l'ai trouvé absolument pas dans le rôle. Un peu, je sais pas, les yeux un peu globuleux comme ça, les joues un peu bouffies, j'imaginais vraiment pas Tom Riddle à 16 ans comme ça. Ce qui est fantastique dans tout ce que tu me dis, Smokeman, c'est que des impressions générales, je crois que tu étais celui avec, à part Elena, avec le, comment dire, l'impression globale, on va dire, la plus positive, mis à part le fait qu'effectivement ça correspondait pas tout à fait à l'attente des fans, et qu'à chaque fois qu'on aime quelque chose alors que nous on n'aime pas le film, à chaque fois tu dis oui, je vous laisse parler, après je vous dirai pourquoi moi j'aime pas. Mais oui, c'est ça le problème, c'est tout à fait le problème de ce film, c'est que, en gros, je l'ai beaucoup plus aimé que le film 5 où j'étais sorti vraiment déçu. Je suis ressorti hier soir, j'avais les sourires aux lèvres, je dis ah, j'ai vu un bon film. Mais quand je le reprends scène par scène, bah il y a quand même énormément de défauts. Je peux dire pourquoi moi j'ai pas aimé? Vas-y. Oui, bien sûr. Moi j'ai pas aimé le premier souvenir à l'orphelinat. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé le premier souvenir à l'orphelinat, c'est juste qu'on l'avait entièrement vu, donc il n'avait aucun intérêt. Ils avaient qu'à pas nous le montrer en entier, c'était bien fait pour eux. Et le deuxième, par contre, moi ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est l'acteur, je l'ai trouvé bien. En plus, je trouve sa coupe bien ridicule. Donc ça m'a fait beaucoup rire. C'est une coupe d'époque. Ouais, mais en fait, ce qui est très con, c'est qu'ils ont pas repris l'acteur du 2, quoi. Non, mais ils pouvaient pas, attends, l'acteur du 2, maintenant il a 27 ans. Je m'en fous. Il a super grandi, déjà, il l'avait plus vachement vieux dans le 2, je trouvais. Enfin, et ben c'est bien fait pour eux. Bon, c'est de la faute de Columbus, d'accord, mais je trouvais ça dommage. Par contre, le seul truc, c'est que je trouve qu'il y a une vraie ressemblance entre les deux. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Pareil, il y a autre chose, c'est que le souvenir modifié de Slughorn, je me l'imaginais pas du tout comme ça, je me l'imaginais un truc beaucoup plus grossier, vraiment, quand il modifie son souvenir, et là, finalement, c'est pas tant que ça. On voit que... Bon, il y a le volume, le dernier fait, mot, change, voilà, on l'entend pas bien, mais le gros truc de « je veux pas qu'on sache ce que j'ai dit, alors je camoufle le tout », et ben, c'était vachement subtil, finalement. Ouais, pour quelqu'un qui bon l'aurait pas lu... C'est un bon sorcier, hein, donc... Ouais, mais dans le livre, clairement, c'est pas que c'est un bon sorcier, il fait bien les potions, c'est tout ce qu'on sait de lui. Non, et attends, non, il n'y a pas que ça, il y a aussi que, certes, il y a le volume qui descend, mais surtout après, il y a la grosse fumée quand même, qui fait que le souvenir s'arrête, tout simplement. Ouais, pour moi, c'est juste Harry qui ressortait de la pancine, hein. Donc bon. Non, c'est parce que ça fait pas comme. Je crois pas que ça fasse comme ça normalement à la fin d'un souvenir, avec la grosse fumée noire. Si. J'avoue, j'en sais rien, je suis encore rarement allé dans la pancine, donc je me rappelle pas vraiment comment ça fait la fin des souvenirs. Mais c'est clair. Mais j'ai rendez-vous la semaine prochaine, donc je vous dirai ça. Mais bon, sinon, ouais, peu de surprises au final sur ces souvenirs. Ben, en fait, on en a eu deux, quoi. Ah, pareil, il manque quand même un des souvenirs que, à mon avis, beaucoup auraient voulu avec voir. C'est quand même Marvel the Gaunt. Et sa famille. Oui, mais ça, on savait qu'on ne les aurait pas parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de distribution pour les personnages. Donc, voilà, mais... et par contre, moi, celui que j'aurais peut-être aimé voir aussi, c'était celui avec la descendante de. C'est quoi l'elfe souffle, non ouais, ah voilà. Oui, bah oui, Smith. Comment ils vont se débrouiller avec les deux autres Horcrux? Alors ça c'est pareil, l'autre truc que j'ai pas aimé en rapport avec les Horcrux, c'est que déjà quand il sort du souvenir une fois reconstitué après la potion Felix Felicis, eh bien Dumbledore, alors là j'ai eu très peur, je le vois bouger, s'asseoir sur les escaliers, je fais ah, on va avoir du grand Michael Gambon. Mais non, ça va, il reste comme calme dans le cap. C'est bon, on l'a évité. Mention spéciale pour Michael Gambon qui était meilleur que dans les rôles précédents. Oui. Oh, il était quand même pas très bon. Hein. Ouais, mais il s'est calmé quand même. Il parlait plus calme. La marge de progression était impressionnante. Oui, je suis assez d'accord. Et donc, là, on a l'impression qu'il découvre qu'il y aurait 7 Horcrux. Mais non, normalement, le souvenir ne fait que confirmer que ce qu'il pensait déjà. Non, on a l'impression qu'il débarque. Ah, je suis pas d'accord. Pour moi, dans le livre aussi, à la base, il savait qu'il y avait sans doute plusieurs Horcrux, voilà, mais il savait pas qu'il y en avait 7. Ah, pour moi, ça confirme ce qu'il redoutait, en fait. Non, il redoutait qu'il n'avait pas. Je suis d'accord avec Pruno. Ça lui annonce qu'il y en a 7, ça lui dit, mais il y en a exactement. Enfin, bon. Il était pas au courant. Alors, est-ce que je peux. Vas-y. Non, mais moi c'était juste un truc bizarre, c'est quand Harry touche la bague, Oui, elle bouge. Une sorte, ouais, elle bouge, mais il y a une sorte de flash avec toutes les étapes de Voldemort. Je sais pas, c'était celle qu'on voyait dans la bande-annonce en même temps. Quand on voit Ralph Fiennes, le serpent, tout ça. Et là, il y a Dumbledore qui commence à regarder, mais d'un air mais super bizarre. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein. Oui, moi aussi, et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus... S'il y a quelque chose derrière, et il se passe rien. Non, et justement, moi j'étais avec un copain qui n'a jamais lu Harry Potter, qui ne connaît pas la fin et qui ne sait pas du tout comment ça se passe. Et après cette séquence-là, quoi, ce petit plan-là, ce flash, ouais. il m'a dit sur Harry, c'est un Horcrux. Oh la vache! Ah ouais, quand même! Donc, je sais pas, est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu tous ces plans séquences et le regard bizarre de Dumbledore après ce truc, quoi, que... Ce non, mais ne dis pas quelque chose. Harry ne peut pas être un Horcrux. Non. Ouais, on y a tout que je sais pas, pourtant... Alors, attends, mais, Purple, t'essaies de convaincre qui, là? Parce que la plupart de nos auditeurs, enfin j'espère, ont lu les 7 tomes. Bah, non, mais parce que t'as pas écouté les anciens podcasts où pendant à peu près plus de 6 mois, on a juré corps et âme que Harry pouvait pas être un Bah écoute, je n'existais pas à cette époque-là, donc moi je m'en fous. Non, mais tu les as pas écoutés. j'ai présent récemment. Ouais, bon, on va peut-être pas revenir à ces histoires-là, mais c'était juste pour dire que. Si, il faut qu'on continue, pardon. Mais je sais pas, c'était juste pour savoir si vous avez remarqué cet endroit-là et que si, comme lui, vous avez senti que là, il y avait une sorte de truc bizarre de connexion, on va dire. Et que si, comme vous avez remarqué qu'à ce moment-là, voilà. Si quand on a lu le livre, ça nous étonne pas qu'il y ait ça, parce qu'on sait qu'il y a la connexion, machin, le sang de Lily, machin, menthe sacrifiée, amour, etc., Voldemort. C'est quand on a un peu suivi les films, c'est pas si évident que ça, je suis pas d'accord. Parce qu'il y avait le fait que Voldemort pouvait pas supporter toucher Harry, bon maintenant plus maintenant, mais pouvait pas supporter. Donc non, je suis surpris qu'il ait trouvé comme ça aussi vite, ton ami. Bah comme quoi, oui. Bah c'est surprenant. Bah moi aussi il m'a dit ça, alors après moi j'étais waouh. Est-ce que c'est si visible que ça, quoi? Après, moi, j'ai rien dit, quoi. Je dis, tu moi, verras j'ai, bien, quoi. J'ai pas trouvé. Au contraire, moi, ce que je voulais dire, justement, sur Harry qui... Dumbledore qui... J'ai l'impression qu'il débarque un peu, qu'il découvre qu'il y a 7 Horcrux. En plus, on nous parle pas du tout des autres. Justement, pour quelqu'un... Attends, pour quelqu'un qui n'aurait pas lu les livres, enfin, c'est impossible de pouvoir théoriser un minimum sur les autres Horcrux potentiels. En même temps, si tu veux théoriser, tu aurais juste lu les livres. Oui, ça, je suis d'accord. Mais là... On n'a pas le souvenir de comment elle s'appelle, Hepzia Smith. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a rien du tout. Et puis la petite parenthèse, j'ai trouvé la bague de Gaunt très moche. Elle est moche, elle n'est pas détruite en plus. Oui, elle n'est pas cassée. Dire, normalement, à la limite qu'un Horcrux fasse les trucs comme a fait la bague quand il l'a touché, je comprends. Mais un Horcrux détruit, ça devrait pas normalement. Non, je suis d'accord. Elle n'est pas cassée. Oui. Oui, donc moi ce que je voulais dire c'est que dans l'ensemble ils ont quand même fait régulièrement des efforts pour inclure des choses dont ils vont avoir besoin dans le film 7. Donc par exemple t'as au début Slughorn qui montre une photo tout de Régulus, fait, ouais. Comme ça quand on apprend que RAB c'est Régulus, c'est pas là qu'on le découvre. De même que en soi la bague, elle sert à rien quoi. Je veux dire on nous en parle jamais vraiment dans le film, mais ils nous la montrent quand même parce qu'elle sera importante dans le 7 en tant que une des trois reliques. Et puis je sais pas si vous avez remarqué mais tout à la fin après la mort de Dumbledore il y a un gros plan sur sa baguette oui. Qui est reposée là oui, j'avais remarqué. Et qui elle aussi va évidemment être super importante dans et le d'ailleurs, film, c'est tellement justement, subtil pardon ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs pendant la scène de baiser entre Harry et Ginny que je trouvais complètement nulle, moi j'étais en train de regarder tout l'arrière-plan pour voir si on voyait pas la mais tiare. Même quand le Drago était là en train de faire ses tests avec l'armoire je regardais aussi parce que moi j'avais de suite compris que c'était la salle sur demande, pas besoin que Ginny ou Harry le précise quand ils vont cacher le livre quoi. Et j'étais là c'est clair. Et... Ah, t'es trop intelligente. Et j'étais là attends mais où est-ce qu'elle est cette couronne et tout, j'étais là pourquoi ils ont pas mis le diadème. C'est trop bête, ils auraient dû le mettre. Enfin bon, donc ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est des efforts qu'ils ont faits, mais que bizarrement, sur les Horcrux même, rien du tout, ouais. Quoi. C'est... Genre, à aucun... Je ne suis même pas sûr qu'on nous dise que le pendentif provenait de Serpentard. Non. Bah là, non. Pas, hein. Non, dans ce dossier, dans ce film-là, non, mais j'espère que dans le 7, si on voit un gros serpent gravé dessus, ils nous le préciseront, quoi. Ouais. Mais donc dans le 6, à aucun moment on nous parle des fondateurs de Poudlard. Alors que c'est quand même important pour Harry, pour sa recherche dans le 7, de savoir que ce qu'il cherche, c'est les trucs des fondateurs. C'est ce que je disais. Si c'est pas ça, je sais pas comment ils trouvent leur croc de Serre d'Aigle. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il manquait des grosses informations pour les Horcruxes. Mais tu sais, peut-être que comme ils ont décidé de faire deux films pour le 7, ils ont peut-être décidé de mettre toute la quête entière des Horcruxes dans le 7. Oui, mais je veux dire, à quel moment, dans le 7, au début du 7, ils vont nous expliquer que Dumbledore a expliqué à Harry qu'il y avait plusieurs Horcruxes ou quoi que ce soit. Ça va être la banlieue, ils iront voir son portrait à Poudlard. Ouais. Non, mais Ron, Hermione et Harry en parleront entre eux de ce que leur a dit Dumbledore ou un truc comme ça. Pareil, ça c'est un autre truc. À aucun moment, Harry ne parle de tout ça à Ron et Hermione. Puis à la fin, ils disent oh bah super, on va venir avec toi. Ils savent même pas de quoi. Non, Hermione le dit, Ron il est assis dans son coin, il parle de rien. C'est clair, Ron il est transparent là. Il boude à ce moment-là. Ça c'est, ça c'est parachuté quoi. La fin qui est nulle là. C'est parachuté. Ouais. Voilà, c'est vrai que niveau Horcrux, j'ai l'impression que ça a été plouf plouf planté là parce qu'il fallait en parler. Ouais. Alors que c'est quand même un point ultra important des films 7, vu qu'il y en aura deux. Et je sais pas comment ils vont l'amener. Surtout que dans le film 7, il y a les reliques aussi. Donc si en plus il y a les Horcruxes et en plus il y a les reliques, il va falloir faire attention à pas confusionner tout le monde parce que sinon. Oui, mais là ils auraient pu faire un film centré sur les Horcruxes, comme les livres quoi. Comme ça, on aborde gentiment les reliques au fur et à mesure dans le set parce que ça va être compliqué. Mais si on se base sur la dernière interview de David Yates, je pense, Bruno confirmera. Ils veulent, d'après ce qu'il disait, ils vont arrêter la première partie du film 7 au niveau du chapitre 23, c'est-à-dire juste quand on apprend l'existence des reliques. Et donc le film 6 serait beaucoup plus axé sur la quête d'Horcrux et le film 7, deuxième partie, sur la quête des reliques et la bataille de Poudlard. Donc ça leur permettra peut-être. En 2x2 heures de nous expliquer un peu mieux les Horcruxes et tout ce qu'on n'a pas eu dans le sixième film. Dans ce cas-là, ça expliquerait que là, en fait, on aborde gentiment les Horcruxes. Dans le film 7, première partie, ça sera le film sur les Horcruxes. Voilà. On abordera gentiment les reliques. Et dans le film 7, deuxième partie, ça sera sur les reliques. Et la bataille de Poudlard, qui est quand même. Et la bataille de Poudlard. C'est ce que moi j'attends du film 7, deuxième partie. Ouais, pas que ça. Oui, dans ce sens-là, ça s'expliquerait. Voilà, pareil, tant qu'on parle maintenant qu'on est parti sur les reliques, juste pour faire l'aparté, la baguette de Dumbledore est restée dans son bureau. Oui, j'ai trouvé ça nul. Ouais, c'est... Alors après, on savait qu'il n'y aurait pas de cimetière, parce que je ne sais plus comment on l'avait appris, mais on savait qu'il n'y avait pas de cimetière. Dans le film, j'entends, qu'il n'y avait pas la scène avec l'enterrement et tout, la tombe, machin. Mais... Moi, j'aurais adoré, parce que ça nous aurait permis de revoir plein de personnages, de figures et tout. Voilà. J'aurais adoré. Tant qu'à faire revenir plein de monde, autant les employer pour une grosse scène. Bah voilà, ça aurait été magnifique, ça aurait été émouvant, alors que là, la scène de la mort, elle est pas terrible, moi, je trouve. Et là, grosse incohérence, encore une fois. Mais pourquoi pas non plus faire comme ils ont fait pour ce film-ci, démarrer la première partie du film 7, ou le film 7, première partie, plutôt, par l'enterrement. Parce qu'après tout, si Rowling a refusé qu'il y ait un cimetière quand le film 3 a été tourné, pour ne pas en ajouter finalement le film 6, je trouve ça bête. Autant, et je pense que Dumbledore, il lui faut une sépulture correcte. Surtout si Voldemort doit aller chercher cette baguette après. Mais plus qu'une sépulture, il lui faut un enterrement correct. Et pas cette espèce de truc genre je t'allume mon briquet à la baguette. Ah oui, c'est ça, quoi. Et je cille. Mais c'était bien ridicule. C'est ridicule. On dirait vraiment un concert avec les briquets. Et puis c'est oui, c'est exactement ça quoi je pensais. Tiens, c'est Patrick Bruel en 90. C'est ça. Honnêtement, je me demandais ce qu'ils faisaient avec toutes leurs baguettes allumées, quoi. J'étais là, c'est quoi ce match? C'est une nouvelle convention. C'était moche en plus. Ouais, ça a détruit la marque des ténèbres, mais après. T'aurais de beaux effets de lumière, d'accord, mais là c'était moche. Ouais. Non, c'est très très décevant. Très décevant la fin. Et puis, il y a l'espèce de phoenix pool qui vole à la fin là. Oui, alors on n'a pas du tout cette émotion du chant du phénix qui dure tout un chapitre entier quand même et qui est super prenant. Et là, j'ai l'impression que pour les mecs qui font les effets spéciaux dans Harry Potter, le phénix en fait c'est le Boeing 747 des oiseaux, tu vois. C'est un énorme corps, des petites ailes, ça fait. C'est tout quoi. Il est mauvais ce phénix. Bon, c'est vrai que là on est parti sur la toute fin. Parce qu'on a parlé du phénix, ouais. La lamentation. Avant de parler de la toute fin. Ouais. On devrait peut-être revenir. Avant de parler de la toute fin. Il faudrait parler, moi, de la caverne. Il ouais. y a un passage dans la caverne. La mort de Dumbledore, non ? Non, mais même avant ça, il y a un passage avant la partie complètement nulle. C'est le moment où Harry obtient le souvenir de Slughorn. Oh, oui. Ah oui, Félix, c'est le moment où Harry prend la potion magique et qu'il se prend parler un petit peu. Monsieur ! C'est le début de la fin. Parce que Harry a l'air complètement bourré à ce moment-là. C'est le début de la fin. Non, moi je me suis bien marré quoi. Ah, moi j'ai bien je aimé sais pas ce vous, mais je me suis bien marré quand Harry répond à Slughorn. Ou c'est peut-être l'effet qu'il y a toute la salle qui rigole en même temps. Ouais. Mais je me suis bien trippé quoi. Moi je trouve que c'est une des scènes les plus réussies du film. Bah, franchement, moi j'ai trouvé bien aussi. Hein. Et après, bon, Julie sera d'accord avec moi parce que. Ailey sera d'accord avec moi parce qu'elle était là et on en avait parlé, donc je transmets un petit peu ce qu'elle pensait. C'est que c'est une scène qui est réussie, je trouve. Elle est drôle comme elle doit l'être et elle est en plus bien fidèle au livre pour le coup. Et elle est bien cette scène. Là où elle est pas fidèle au livre et là où j'ai particulièrement aimé, c'est l'allégorie du poisson de Slughorn au niveau de Lily. Oui. Et du Lys, enfin qui se comprend beaucoup mieux en anglais qu'en VF, je pense. Lana, tu me confirmeras ça. Oui, parce qu'il ça. Dit du Lys ou du Lily. Du Lys ou du Lily. Donc. Ouais. C'est une traduction facile, d'accord. Mais j'ai beaucoup. Enfin, la scène en elle-même m'a pas vraiment plu parce que je suis désolé, mais je trouve que les effets spéciaux entre Slughorn et Hagrid se voient mais à fond, mais comme le nom de la figure. Oh, moi, donc, j'ai trouvé ça pas mal. Mais l'histoire de Slughorn avec la feuille, enfin le pétale de Lys et comment il en arrive à donner son souvenir à Harry, j'ai trouvé ça très joli. Ouais, c'est mignon, mais c'est larmoyant. Franchement, moi, je restais dans la salle jusqu'à la fin du générique, j'entendais des gens parler à côté de moi. Ils disaient « Oh, le petit poisson, il est mort! Le petit poisson !» Franchement, c'est ridicule. Et Dumbledore, on s'en fout, Dumbledore, il y a une dame. Non, mais là, le petit poisson, il est mort. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça un petit peu bidon. Mais bon, après, je pense que j'ai un cœur de pierre. Bon. Non, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé la scène quand même avec... Non, je vais aller chez Hagrid. Ça, c'est vachement bien. Ouais. Par contre, c'est dommage, il n'effleure pas Ginny à ce moment-là et elle s'engueule avec Dean. C'était tellement drôle. Non, il n'y a rien de ça à ce moment-là. Ouais. Tant pis. Mais ouais, c'était bien marrant, là, quand il le surprend en train de couper les feuilles de... Oui, je sais pas. Et l'échange qui suit derrière, c'est... Monsieur. Bref. Ouais, la fin. Quoi? La fin, je sais pas. Ouais, je sais pas si vous vouliez parler du Sectum Sempra. Puisque... Oh, on en a parlé un peu non, tout d'accord. À l'heure. Non, d'accord. Bon. Je trouvais qu'il était pas assez sanguinolent, mais bon. Ok, donc, on va partir sur la scène de la caverne. Je sais pas vous, mais moi je l'ai bien apprécié quoi. Je sais pas, enfin vous disiez que ça commence à être le début de la fin. Pour vous, que ça commence à être bâclé. Non, moi j'ai dit moi, que c'était le début de la fin après parce la que de la caverne. Ouais, pareil. Et bon, la scène de la caverne en elle-même est quand même moyen. Le début est encore passable. Mais alors, Dumbledore qui boit la potion. Deux secondes, j'explique pourquoi j'ai dit que c'était le début de la fin. C'est moi qui ai dit ça. Oh là là, pour remplacer lui, dis donc. C'est un peu, ouais, casse-pied. J'ai dit que c'était le début de la fin parce que c'est à ce moment-là, quand ils sont en haut de la tour d'astronomie qui s'apprête à partir, que je me suis rendu compte que la scène avec Ginny, la scène, moi, que j'attendais, était inexistante. Qu'il l'avait zappée, encore une fois. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était le début de la fin. Non, sur le coup, la scène de la caverne, de la grotte, là, elle est. Elle est assez fidèle finalement. Sauf que ces espèces de gros cristaux, on avait dit, on a l'impression qu'ils sont sur Krypton, la planète de Superman. Et sans son chapeau, il fait super Gandalf. Il fait super Gandalf. C'était la référence. Non. C'est la référence, on attend que le Balrog arrive. Non, mais c'est vrai, ça avec les flammes et tout. Bref. Et on avait bien raison à un moment, Harry, il plonge à 15 mètres. Bon, alors là, il faut retourner 3-4 podcasts en arrière quand on faisait du décortiquage des bandes annonces. Et qu'on disait que Harry allait sous l'eau et qu'il allait super profond. Et ben là, il va bien à 15-20 mètres et puis il ressort tranquille. Ouais. Vous aviez complètement raison. Bon, alors par contre, je m'excuse platement pour mes voisins parce que quand il veut prendre de l'eau du lac, j'étais persuadée qu'il allait se faire attraper la main. Je le savais. Ah, mais j'étais moi aussi, hein. Ça. Et j'ai bondi de mon siège, mais ouais. De 20 cm. Ah, quoi. Non. Et voilà. Moi aussi, les deux fois où je l'ai vu, j'ai bondi. Et à la fin de la séance, pourtant, tu as Popol qui dit non, mais c'est un film sans surprise, franchement, sans surprise. Ah non, mais je suis. Non, j'ai pas hurlé à la mort quand il lui a saisi la main alors que tout le monde s'y attendait dans la salle. Non, c'est pas moi, mais c'est sans surprise. Et ben justement, mais moi je l'ai vu arriver, mais gros comme une patate ce truc. Alors j'ai même pas sursauté quoi, ça m'a fait ni chaud ni froid, j'ai vu la main, j'ai fait. J'avais raison, j'aurais dû parier. Je savais. Et j'ai. Non, c'est vrai qu'à côté, j'ai senti les gens bondir parce que ça a fait trembler la rangée. Mais. Sur le coup, j'étais là, bah ça c'était couru d'avance quoi. Ah, mais c'était évident, je suis complètement d'accord. J'étais prête, j'avais mes mains devant moi pour me cacher, j'étais prête. Et je me suis fait avoir. Mais sinon, je trouve elle est restée assez fidèle cette scène. Avec. Ouais, moi ça m'a pas profondément dérangé la manière dont il boit le. Moi la non plus, moi, ça il insistait, Harry et tout, je sais pas. Smokeman, t'avais l'air de protester, pourquoi aussi. Ouais. Mais oui, je trouve que c'est très très mal amené, c'est très mal filmé. Moi, tu vois, c'est un moment que moi j'avais ressenti comme très intense dans le livre. Très mal filmé. C'est dur. Harry, il a du mal à le faire. Machin. Dumbledore se débat vraiment. Et là, bah non, ça dure 15 secondes. Et si le professeur m'a dit qu'il fallait le faire, ah oui, bah je le fais alors. Mais je trouve que Dumbledore, il est bien là-dedans. C'est juste Harry, on a l'impression qu'il y va franco et qu'il se pose pas trop de questions parce qu'au début, il hésite quand même vachement à le faire. Mais moi, je trouve l'interprétation Harry un petit peu légère, mais le reste est assez juste. Bon, après, ils sont, je sais pas. Moi, ça ils m'a sont sur un îlot. Je trouve que, après, ils sont sur un. Ouais. Enfin, tu vois, pour moi, c'était le moment dramatique de la scène de la caverne. Eh ben ouais, je confirme, c'est le moment dramatique. J'ai trouvé que ça tombait un peu à plat. Bon, non. Mais bon. Voilà. Désolé. Il n'y a pas de coup. Enfin, il n'y a pas. Moi, je veux dire, ça tombe peut-être un peu à plat, mais c'est pas grave. Quoi. Ce qui compte dans la caverne, au final, c'est surtout la caverne elle-même. Et elle est quand même splendide. Ouais, avec les Inferi aussi. Ouais, ils sont pas mal. Ouais, les Inferi, ils sont vachement bien faits. Ouais. Je veux dire, là, c'est vraiment une scène où tu vas pour voir des choses jolies et pour le coup, ils ont réussi cette affaire. Oh, ils sont pas beaux les Inferi. Non, mais si, mais d'accord. Ils sont non, très laids même. Mais ils sont bien faits. Ça fait un peu Gollum. Plein les yeux. Ouais, ils font Gollum. Ah, ça, je l'avais dit, hein, que ça ressemble à du Gollum. Bon, ce qui m'a fait rire, par contre, c'est que quand Harry est au fond de l'eau, on a droit quand Dumbledore se réveille et qu'il commence à balancer du feu partout, on a droit à des boulets de feu qui descendent à 15 mètres sous l'eau et qui s'éteignent pas. Et c'est de la magie. C'est super feu. Hein. Ouais, mais c'est de la. Bah oui. J'ai trouvé ça superbe. Hein. Franchement, c'est de la très belle magie. Hein. Bah c'est Gandalf. Oui. C'est Gandalf. C'est Dumbledore. C'est Gandalf. Et t'as vu en plus le feu, l'incendie qu'il nous fait quand il écarte, genre Moïse qui écarte les flammes. Bah là, enfin c'est quand il écarte l'eau, bah là, ça il écarte les flammes, tu sais, pour laisser un petit passage. Non, elle est ça jolie. Fait, la scène. C'est un super incendie là. C'est Hiroshima qui l'a balancé dans la. Dans la caverne, mais ouais, c'est de la magie niveau 7, non ? Ou niveau 12 ? La vache, il est mage niveau 12. Oh non, juste un truc, juste avant qu'il parte. Oui, juste avant qu'il parte. Ouais, j'ai adoré ce moment. Ouais, franchement. Juste avant qu'il parte, j'ai pensé. Ouais, juste avant qu'il parle, j'ai pensé à toi, Pruno, en fait, parce qu'il y a Harry qui dit « Mais on ne peut pas transplaner dans Poudlard !» Et là, Dumbledore dit « Oui, mais le fait d'être avec moi amène des privilèges » ou un truc comme ça. « Le fait d'être moi amène des privilèges !» Et là, ouais. J'ai fait « Ça, Pruno, je suis sûr, il va l'aimer, cette réplique-là. Dumbledore, il est trop fort, il se prend pas pour de la merde. »« Being me grants a few privileges. » J'avais oublié ça. Mais en fait, au début, je me suis dit, mais c'est tellement débile, même Dumbledore peut pas transplaner depuis Poudlard. Et puis après, ça m'a moins choqué au final, parce que c'est possible que Dumbledore arrive à transplaner depuis Poudlard. Par exemple, on sait que quand ils font les séances d'entraînement de transplanage, oui. Qu'ils ont totalement zappé du film d'ailleurs, mais dans le livre, quand ils apprennent à transplaner, Dumbledore peut faire en sorte que pendant une heure on puisse transplaner dans la grande salle. Donc peut-être qu'effectivement c'est possible pour lui, mais effectivement sa façon de le dire, enfin en même temps c'est assez typique de ce qu'il fait dans le jeu. Oui, tout à fait, c'est pour ça que je me suis dit que t'allais beaucoup l'aimer. Parce que c'est tout à fait lui finalement. Ouais. Et donc, la scène la pire, moi, que je trouve, c'est la scène de la tour d'astronomie. Oh, yo, le désastre. Je sais pas comme si vous avez, enfin, si vous aussi, quoi, mais j'ai pas pleuré du tout. Alors, autant sur le livre, c'était la fontaine et tout, les Kleenex à côté, mais là, rien du tout, comme pour Sirius, hein. Alors, je sais pas, mais David Yates, il doit avoir un problème avec la mort, mais il la retransmet trop mal, quoi. Il y a pas de sentiment, c'est... Moi, j'ai rigolé à la fin. La mort de Sirius, je trouve, dans le livre, était tellement rapide et tellement soudaine que finalement, dans le film, je la trouvais plutôt bien rendue. On sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Après, c'est le chagrin qui est mal rendu et tout, de Harry. Voilà. Ça, je suis d'accord. Mais là, c'est nul. Là, il y a trop d'incohérences qui vont pas du tout. Parce qu'il est pas pétrifié. Et pourquoi il reste planqué là? Rogue qui arrive, qui fait du « Chut, je vais monter tout seul et tu ne vas pas bouger. » C'est ridicule. C'est idiot. C'est vraiment idiot. C'est idiot. Voilà. Parce que du coup, à l'impuissance de celui qui n'a pas pu agir, se substitue le sentiment de ne pas avoir réussi à se motiver pour. Enfin, c'est deux sentiments proches, mais complètement différents. Donc, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est ça. Hein. Ça impacte le jeu, ça impacte l'histoire, ça, c'est nul. Voilà. Du sentiment d'impuissance à agir, c'est exactement ça, parce qu'il était pétrifié. On arrive à l'indécision. C'est complètement différent. Mais pour moi, c'est légèrement différent de ça. C'est surtout que moi, quand je l'ai vu, ce que j'ai compris, c'est que Harry donc voit Rogue qui lui fait chute, du coup n'agit pas, et en quelque sorte, c'est parce que en lui, il est en train de se demander est-ce que je dois faire confiance à Rogue qui va aller sauver Dumbledore tout seul. Et ça, pour le problème pour moi, du coup, c'est que c'est absolument impossible que Harry fasse jamais confiance à Rogue. C'est pour ça que c'est idiot. Ouais. C'est pour ça que c'est idiot, mais en soi c'est pas Harry qui a décidé de ne rien faire ou n'a pas réussi à faire quelque chose, c'est Harry qui a choisi de laisser Rogue faire. Ou peut-être qu'il n'a pas réussi à décider sur le moment, alors il reste là comme un bêta, genre, je sais pas, bon, voilà. À la limite, le jeu de Draco par contre était assez bien. Ouais. Et son costume était tellement bien. Ah oui, dans le train aussi. Il était pas mal, ouais. Oui, j'ai adoré comment il était habillé, comment il se tenait et tout. Pardon. Allez-y. Vas-y, Polo. Non, mais j'ai fini. Ah bon. Alors, vas-y, Smogman. Non, oui, je vais... Non, mais tant qu'à faire, autant enchaîner avec Tom Felton, qui, dans ce film, a quand même beaucoup plus de scènes qu'à l'habitude. Ah bah, clairement. Et c'est bien. Et oh, il est... franchement, je trouve que c'est... il a la classe. Il est habillé magnifiquement. Et il a... Autant Harry et Hermione et Ron sont habillés un peu jeune, un peu normal, autant... Il a la classe, quoi. Bah ouais, mais quelque part, Drago, c'est la famille aristocratique, donc il a la classe. Les autres, ils font plébéien, ils font tout vieux à côté, c'est normal. Mais Tom Felton, c'est surtout que, je me rappelle, je crois que c'était pour le film 2, où on avait un sujet entier sur la Gazette sur la mise en pli de Drago, avec sa coupe de cheveux de merde. Et parce qu'il avait une espèce de coupe au bol, très laide. Et là, sur le coup, Tom Felton, il prend de l'épaisseur, surtout parce qu'il a beaucoup de scènes avec, en tête-à-tête avec son armoire, quand même, et son petit zozio, ce qui est très émouvant. On le voit pleurer dans les toilettes, oh, c'est beau. Et non, il est pas mal, hein, l'acteur. Là, enfin, on lui donne un petit peu la possibilité de s'exprimer. C'est vrai. Et d'où ce plan magnifique, avec juste après les oiseaux sur Ron, ou avec le plan extérieur, avec la caméra qui tourne, où on voit Tom Felton dans la tour d'astronomie qui regarde le ciel, que j'ai trouvé superbe. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, juste, je m'en rappelle bien. Mais... Quand on voit l'avant des Aaron dans l'escalier, la c'est caméra travelling. Continue à l'extérieur de Poudlard. C'est un travelling autour du château, mais le problème c'est qu'il y en a eu pas mal, voilà. Tellement... Maintenant c'est devenu un truc, quoi. C'est devenu le truc de Harry Potter, le travelling autour du château avec la saison qui change, tu sais. Non, mais celui-là il est beau. Bah, c'est bon, les de toute façon. Les autres étaient moyens, celui-là il est beau. Une fois qu'ils ont généré le modèle en 3D, ils peuvent s'amuser à faire ce qu'ils veulent. Mais depuis le 3, c'est devenu le truc incontournable, travelling autour du château pour changer la saison. Si c'est pas Edwige qui arrive. Oui, mais contrairement au reste du film, enfin, que je trouve décevant au niveau mise en scène et au niveau justement au niveau de la mise en image, là c'est magnifique. Ouais. Question. Ouais non mais voilà. Je dis pas que c'est magnifique mais habituel et sans surprise. Si on continue dans la fuite de Rogue. Oh. Parce que alors là ça devient quelle fuite. Quelle fuite. Y a une fuite. On est d'accord. Parce que là c'est l'apothéose du grand n'importe quoi et cette fin est nulle. C'est que donc on n'a pas de bataille à Poudlard. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est inexistant. Hein. Ron, Hermione, Luna, Neville, Ginny, tout ça. Bah restez dans vos lits, hein, vous avez que ça à faire. Et puis ensuite, Harry le traite de lâche. Et là-dessus, Ron, il dit rien. Et franchement, ouais, ça... ne me traitez pas de lâche. C'est hyper important. Je veux bien qu'on ne soit pas fidèle à 100% au livre. Mais qu'il n'y a pas des trucs importants comme ça pour la suite. C'est une phrase qui est forte, qui avait tout à fait sa place. Ça dure un quart de seconde. Pourquoi ils ne l'ont pas mis? Ouais, je te dirais que je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a pour une phrase en plus. Voilà quoi. Elle est forte, cette phrase. Elle a du poids. Voilà, elle a du poids, elle est importante. On a le lâche et en face on a je suis le prince de sang mêlé. Exactement. Voilà. Ça fait un peu conversation au coin du feu, tu sais. Oui, là je ne sais pas. Oui, ah, tiens, à propos, en fait, je te l'ai pas dit, tu cherchais. C'est. Oui, voilà, bizarre. C'est ça. Au fait, c'est moi, tu sais, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, c'est mon livre, voilà. Voilà, mais c'est ridicule. Ouais. Et l'autre, ne me traitez pas de lâche, c'était quand même un minimum important. Oh là là là. Mais peut-être qu'il voulait pas trop qu'on ait de doutes sur Rogue et qu'il nous laisse la surprise pour la fin, qu'on croit vraiment que c'était un mange-mort et que... Bon, fallait qu'ils disent que c'était le prince de sang mêlé. Ça, je suis d'accord parce que c'est le titre du film. Sur le coup, moi, à la fin du film 6, là, on a vraiment l'impression que Rogue, c'est un mange-mort et qu'il nous a berné, quoi. Oui. Bah c'est oui, je sais, mais là, il n'y a même plus de doute, c'est un espion ou pas, quoi. Là, c'est vraiment, c'est un mange-mort, quoi. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'il a trahi. Oui. Pour moi, c'est pas vraiment évident qu'à la base, Dumbledore faisait plutôt oui. sa Rogue. Ouais. On le voit pas assez. Sauf qu'il y a quand même du coup, la à la petite fin, scène. Quand tu vois Rogue, on a quand même la scène avec Dumbledore et Rogue, juste avant, qui s'engueulent dans la tour d'astronomie. Ils s'engueulent pas méchants, quand même. On le voit quasiment pas. Il y a trois fois rien là-dessus. Donc tu te rends pas vraiment compte à quel point c'est un gros truc que ce soit Rogue qui tue Voldemort et pas quelqu'un d'autre, Dumbledore pardon. Oui, je suis d'accord. Oui. En tout cas, ils ont gardé le fait que c'est Draco qui désarme Dumbledore et ça c'est important. Oui, ça j'aime. Ça j'aime. Heureusement, ça ils l'ont gardé. Par contre, j'ai un truc, c'est que je me souvenais pas que au moment de faire le serment inviolable, le fait que Bellatrix dise lâche joue un rôle quelconque dans le processus de décision de Rogue. Moi non plus, elle ne le dit pas, je pense. Parce qu'en fait, non, c'est... Elle ne le dit pas, on est d'accord. Non. Dans le livre, non, elle ne le dit rien. Parce que là, d'un point de vue mise en scène, c'était exactement, pardonnez les références, c'était exactement comme dans Retour vers le futur, le deuxième, je crois, oui. Où c'est oui. Don't call me chicken, don't call me chicken, no one's called me chicken. Don't call me chicken. Et ça m'a j'ai perturbé. Regardé la VF, donc ça doit être un truc de VO, ça. Parce que... Oui, je suis en train de chercher. C'est personne de poule mouillée, personne me traite de poule mouillée. Non, c'est pas poule mouillée, mais... c'est personne ne me traite. Personne ne me dit que j'ai les foies, ça c'est dans le 3. Voilà. Je retrouve dans le 1, mais allez-y, continuez, je retrouve. Ça y est, là on a perdu du coup, on a perdu. Purple. On a perdu Purple là. Purple qui est en train de. Fouiller dans ses références, oui. C'est rien, elle a le disque dur qui rame, c'est pas grave. Non, mais allez-y, continue. Oh, d'ailleurs, sur cette scène, non, il y a un truc que j'ai bien aimé, par contre, c'est quand Drago, il monte sa marque d'éthérée de nèvres. Je trouve ça très sexy. On l'a mais, voit vraiment. Mais d'ailleurs, et, au sujet, moi, j'ai eu un doute subitement. Est-ce que on sait que Drago a la marque ou pas, même dans les livres? Je suis pas sûre. Ouais, ça, j'ai toujours eu un il doute. Il dit à Pansy de pas l'effleurer son bras. On a toujours eu un doute là-dessus. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé qu'il nous la montre et que j'ai trouvé ça sexy. Voilà. C'est vraiment qu'il te la montre. Pardon. Ça... En même temps, je pense que dans les livres, si Draco n'était pas un vrai mange-mort, il n'aurait pas été autorisé autour de la table au début du tome 7. Bien sûr. C'est ce que je pensais aussi non, pour mais c'est la fin. C'est un mange-mort. Oui, c'est un mange-mort, c'est bon. On le croit. Enfin, maintenant, on en est même certain. Mais Donc sinon, pour continuer, bah donc il y a la scène où Dumbledore tombe, ils allument leur baguette. Oh, Dumbledore qui tombe, c'est quand même... Non mais je m'attendais à un ralenti de merde, hein, de toute manière. Ouais, mais c'est quand même un... Mais c'est un ralenti qui m'a fait rire parce que ça m'a fait penser en fait à Tour de Cristal. Moi aussi, pareil. Avec Rickman qui tombe de la. Ou là, c'est Alan voilà, Rickman. Voilà, pareil, qui tombe. Exactement, j'ai fait. Oh là là, la référence. Ça m'a vraiment fait penser à ça. J'étais là, ah, c'est quand même. Il manquait même juste les cristaux de verre là, tu sais, à côté. Il manquait juste ça et oui. Ça aurait été parfait, quoi. Mon expression étonnée. Mais en fait, en même temps, là, il peut pas vraiment avoir d'expression puisqu'il est déjà mort en plus. Oui, c'est ce que je me suis dit 2 secondes après en me disant maintenant il peut pas. Ouais. Mais je me suis dit que le parallèle était peut-être fait exprès. Je sais pas. Peut-être. Que ce soit Alan Rickman qui fasse tomber et qu'on ait à peu près le même genre de chute. Je me suis dit que c'était peut-être fait exprès. Possible. Bref, en tout cas, elle n'était pas. Autant pour le 4, extraordinaire. On pouvait pleurer pour la mort de Cédric Diggory, je sais pas ce qu'ils avaient fait, c'était triste en tout cas. Autant là pour le 6, que dalle quoi. Tout va bien. Enfin, en même temps, le 4 m'a pas fait pleurer. Tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Dumbledore est mort, mais c'est pas grave, on poursuit l'aventure. Oui, et par contre, un truc que j'imagine aussi, c'est que donc Dumbledore tombe. 30 secondes après, il y a 140 élèves autour. Je sais pas, mais un corps qui tombe, pour moi, ça fait pas assez de bruit pour réveiller un château complet. Ouais, mais non. Sachant qu'il n'y a pas de bataille dans ce film. Ah, ils étaient déjà tous autour parce que moi, il y a une scène où on voit le corps et tout plein de. Mais vraiment en plongée, quoi. Et c'est une vue d'ensemble et on voit tous les élèves autour avec justement les petits points lumineux. Mais c'est peut-être plus tard ça. Ah oui, ça c'est après, non? Oui, ça c'est un peu plus tard. Entre les deux, de toute façon, on a la scène où Harry poursuit les mangemorts qui s'en vont. D'ailleurs, quand ils s'en vont, moi ça m'a fait penser un peu aux 7 nains. Hé ho, hé ho, on rentre du boulot, tu vois, ils marchent tranquillement, là, les uns à la suite des autres. Rogue, il fait super souche avec sa cape quand même. On peut pas lui retirer ça, et je trouve que c'est là-dessus où il est très présent dans le film tout de même. Il fait super souche. Ah non, avec moi sa ce que j'ai adoré, c'est Bellatrix Lestrange, mais complètement hystérique et explose qui casse la grande salle, ouais. Enflamme la cabane d'Hagrid qui est là. Hagrid, Hagrid! Et c'est une grande Bellatrix Lestrange, je suis tout à fait d'accord. Juste entre temps, mon disque dur a tourné et c'est personne ne me traite de mauviette. Ah, mauviette. Ah, mauviette, voilà. Mauviette. Merci. De rien. Merci, Purple. Ça y est, on a récupéré Purple. Oui, c'est bon. C'est bon. T'as fait ta mise à jour, c'est vrai. Ça va, y a pas de problème. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que t'as le plus grand sorcier vivant, qui est également le directeur de l'école, qui meurt. Et genre, personne ne se met à hurler, personne ne pleure et tout. Si, il y avait quand même quelques larmes. Tout ce qu'ils font, c'est lever leurs baguettes, mais... Ils sont sous le choc. Normalement, ça a des gens qui hurlent. Et je crois Ron aussi, enfin, on voyait, tu sais... Non, c'est Hermione qui chouine. Je sais pas, mais en tout cas, on voit quelques larmes couler. Mais c'est vraiment des petites larmes, hein. Non, mais c'est vrai que c'est une scène de mort et vraiment pas terrible. Je te dis, c'est le concert de Patrick Bruel, donc voilà quoi, c'est pas terrible. Bon, heureusement, ouais. Il récupère le médaillon, ce qui est déjà pas mal. De toute façon, c'est info, donc... Ouais. Et puis, sur la fin, on a dit que la baguette était dans le bureau de Dumbledore. Bon. Et on a cette scène de fin où vraiment, là, il faut qu'il fasse un effort sur les phrases de fin, quoi. Parce que... Mais ils n'ont jamais été capables de se faire. Je crois jamais. Ouais, genre, wow, qu'est-ce que c'est beau vu d'ici. Putain. Mais ils n'y arriveront pas. Non, mais maintenant qu'on a vu le film 6, imaginez la fin du film 7, partie 2. Ah, mais oui, ça va être... Franchement, qu'ils prennent la phrase de fin du livre, quoi, et puis basta, ils s'arrêtent là, parce que là, c'est vraiment mauvais. Hein. Et comment tu veux qu'ils transposent en film tout allait bien? Par une voix off. Non, mais bon, la fin du 7 sera ratée, on le sait. Oui. La fin du 7.1, mais c'est la faute à la limite, okay, pour encore être réussi. Je veux dire, ils ont encore une chance de s'en sortir sur un film, avec un truc où il se passe quelque chose à la fin, ouais. Quoi. Non, mais là, c'est... Plutôt que d'avoir une scène niaise, forcément, pour conclure, que ce soit quand tu applaudis Hagrid ou Harry qui s'envole sur son nouveau balai et qui fait une tête complètement débile en fonçant sur la caméra. Oh, mais... Ils sont mauvais. Oui, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais en même temps, je dirais presque que ça, maintenant, ça fait partie de la tradition. Ouais, j'ai l'impression aussi. Si ça se termine sur une belle phrase, c'est pas normal. C'est vrai que je l'attendais. Il faut que ce soit pourrave. Vous savez quoi ? J'ai l'impression qu'on est des monstres. Parce que quand tu regardes un peu les évaluations à droite à gauche sur les sites de fans, en tout cas en français, je ne vais pas les regarder sur les anglophones, tout le monde dit c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est le meilleur Harry Potter que j'ai jamais vu. Et là, on est tous en train de déblatérer contre le film, et franchement, je me demande, mais qu'est-ce qu'on a ? Ah, mais moi je suis d'accord que c'est le meilleur Harry Potter jusqu'à présent. Non, le meilleur, non, je non, sais non, pas. Non, non, il y a le 3 qui était le 3 était bien. Ah, non, justement, je le trouve mieux que le 3. Bon, bah, enfin, vous voulez qu'on continue à parler un peu de la fin avant de parler de trucs généraux ? Oui, qu'on termine sur la fin. Oui. Bon, terminons la fin et après on parlera de trucs généraux. Cette phrase pourrie de la fin, je l'attendais, honnêtement. Parce que c'est y a quoi, les... Genre, oublié, oh, on voit, il y a une super vue d'ici ou un truc comme ça. En anglais, c'est I never realized how beautiful. Ah oui, c'est ça. c'est ça. Il y a une super vue de là-haut, en fait. How beautiful this place was. Ils ont réussi à faire pire que la fin du 5, qui était quand même absolument horrible. Avec le plan sur le train, on dit, ah oui, heureusement qu'on est entre amis. Ou je sais plus quoi. Oui, voilà, c'était ça. Genre, oh, c'est super, on a des amis. Oh, c'était nul. Et là, bon, alors déjà, donc il leur explique rien sur leur crux. C'est ta Hermione qui fait oh, mais bien sûr, on va aller avec toi. Ron, il est dans son coin, il dit rien, c'est ridicule. Et là-dessus, je me suis fait soit il termine comme ça, soit on a une super phrase de merde et à non, la fin. Et non, et la grosse surprise, t'as la cocotte volante qui apparaît. Oui, le film. La poule qui arrive. J'étais morte de rire, quoi. Oh, la poule à la fin. Mais j'ai pensé à toi, Elena. Moi aussi, j'ai pensé à toi. J'ai fait, oh là là, revoilà l'animal. Revoilà la poule. C'est ridicule. Non, mais les fans, ils ont un véritable problème avec les fans. Allez, vous inquiétez pas, dans 20 ans ils font un reboot et ce sera vachement mieux. Ah, le jour où ils nous font un remake, enfin un refilm de mais un 20 ans plus tard en 3 fois mieux, oh là là. Oui, mais. J'y crois pas dans 20 ans, sérieusement. Non, dans 50. Non, plus que ça. Non, 50 ça sera trop tôt. Faut le faire à un moment où nous l'on. Enfin, voilà. Faut le faire à un moment où les enfants ce seront pas des gens qui auront. Enfin, ce seront des gens qui trouveront que les anciens films Harry Potter seront vraiment datés et mal faits, quoi. Donc, ça sera genre en 2040 ou quelque chose comme ça. Oui, donc moi, comme je disais à l'instant, je trouve que ce film-ci, je pense que je peux dire que c'est le meilleur Harry Potter jusqu'à présent. Et en tout cas, je trouve qu'il est meilleur que le 3. Même si le 3 était sans doute en soi un meilleur film, ils avaient coupé tellement de choses du 3 qu'à la fin, ça en était insupportable pour les fans. Là, dans le 6, le truc qu'ils ont réussi à faire. En fait, ils se sont un peu rapprochés des films 1 et 2, ce qui a des avantages et des gros inconvénients. Donc l'inconvénient, c'est que c'est fait de façon chronologique et que, genre, en gros, c'est lent, c'est saccadé, etc. Mais l'avantage, c'est que toutes les parties importantes du livre figurent dans le film. Alors que dans le 3, on avait quand même zappé les maraudeurs en entier. Ouais. Je veux dire, c'est facile de faire un bon film si tu changes l'histoire, quoi. Oui, je comprends, parce que quelque part, les 1 et 2, et pourtant on les avait beaucoup critiqués, étaient. Enfin, essayaient de coller quand même au livre. Alors que c'est vrai que Quaron s'était bien détaché, quoi. Disons que moi je vois ça comme ça, le 1 et 2 suivaient le livre, avec. Il manquait des trucs, quoi. Et à partir du 3, ça a commencé à, disons, à partir un peu freestyle. Il manquait des trucs et tout, mais au niveau du film, de la composition, de l'image et tout, c'était vraiment pas mal. Le 4 a gardé un peu le même esprit que le 3. Et à partir du 5, on est revenu un peu à l'esprit. On reprend tout ce qu'il y a dans le livre et on en parle un peu. On parle un peu de tout, quoi. Même s'il y a des trucs qui sont plus light que d'autres, on passe un peu des trucs à la trappe, on en parle quand même. Mais on reprend un peu l'aspect chronologique et du coup, ça te... Tout en faisant des raccourcis pour compresser un petit peu l'histoire. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi, Bruno, oui et non. Parce que oui, à peu près jusqu'à la moitié, je me suis fait « mince, ça va être mon Harry Potter préféré ». Il y avait plein de choses, plein de détails que j'appréciais. Et il y a eu la fin, quoi. Il y a tellement d'incohérences, ouais, et de trucs qui manquent pour la suite. Je trouve qu'ils ont posé toutes les pierres pour faire un mauvais film 7. Ah. Ça, c'est de la prospective. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais ouais. Je veux dire, ils ont tout mis en place pour se planter pour le 7. Et c'est quand même vraiment dommage. Mais on ira le voir quand même, c'est ça le pire. Je l'ai vu qu'une fois. Oui. Oui, bien sûr, et on achètera le DVD, mais... Je manque peut-être encore un petit peu de recul parce que évidemment on l'a vu qu'une fois et on a besoin de le revoir plusieurs fois avant de savoir. Mais cette fin est vraiment décevante. Mais c'est aussi parce que j'avais beaucoup d'attentes et je pense que je suis pas la seule. J'avais beaucoup d'attentes pour le 6 parce que je pense aujourd'hui pouvoir dire que c'est mon livre préféré. Donc c'est vrai que il y a des phrases comme Don't call me a coward, ne me traitez pas de lâche, qui sont vraiment manquantes. Et des scènes très intenses comme la mort de Dumbledore qui sont carrément foirées, et ben ça enlève vraiment de la consistance au film. Mais quoi. J'ai, même s'il y a des plus choses j'y pense, bien dedans. Plus je me dis que j'ai peur pour la scène de mort de Harry, quoi. Harry meurt. Mais oui, ça va être nul. Il n'y a aucune scène de mort qui est bien, sauf peut-être celle de Diggory. C'est vrai qu'elle est pas mal. Oui, mais Diggory, c'était un autre réalisateur, c'était Newman, Newell, pardon. Et, Newell, ouais. Ouais. Newell, ouais. Et du coup, c'est ce que je suis en train de dire, depuis que Yates a pris les commandes et qu'il nous fait la mort de Sirius, la mort de Dumbledore et que c'est bâclé. Honnêtement, à la fin du 6, je me suis quand même posé la question, comment est-ce qu'il va nous tuer Fred, Tonks, Lupin et tout Ils vont peut-être tous rester vivants, en fait. Non, mais je dis non, tout de suite. Mais ils font tellement d'approximations, échangent tellement de trucs. T'en sais rien. Oui, mais c'est important de tuer Fred. C'est important de dire que je ne suis pas un lâche, et pourtant, ils le zappent. Oui, non, je pense qu'ils vont garder les morts quand même. Enfin, ils vont garder ceux qui sont morts, ils vont vraiment les faire mourir. Ils vont garder les morts, ils vont pas les enterrer, ils vont les foutre, je sais pas où, mais ils vont les garder. Mais quand on voit la mort de Dumbledore et Sirius, je me dis, oula. Pour le 7, ça va être... Ouais, en plus, c'est ultra rapide, la mort de Fred, quoi. Ouais. Par exemple. Bah, on la voit pas, de toute façon. Les autres, hein. Ouais, il y a une explosion, Fred, c'est tout. Hein. Ouais, mais... Enfin, à la limite, il y a que celle de Dobby, qui est intense. Dobby est mort. Une pensée pour... Il y a que celle-là qui est intense, et voilà, quoi. Bon, bah, la raton aussi, hein, c'est pas grave. Ouais, mais ils l'ont déjà filmé, donc... Oui, mais on a eu quand même fois. La rater. Ils ont filmé l'enterrement, ça veut pas dire qu'il est mort, hein. Arrête. Pardon. Mais non. Mais pour en revenir à ce dont on parlait au départ, pourquoi est-ce que le film 6 serait meilleur que le film 3 ou inversement? Je trouve que le film 6 est très très bon parce que effectivement, comme dit Bruno, il reprend un peu chronologiquement le livre et ce dont le film 3 se démarquait. Mais il reprend chronologiquement, mais il reprend aussi les défauts du premier et du deuxième film, c'est-à-dire qu'il expose énormément de choses, mais il approfondit que dalle. Enfin, rien du tout. Ouais. Et donc, bon, si on fait fi de la dernière demi-heure, qui est quand même beaucoup, enfin, très ratée, dont on vient de discuter, les deux premières heures, bah, c'est pof, une scène, jolie, et puis après, pof, une autre scène, jolie aussi, mais le rapport entre les deux, bah, on le voit pas. Il n'y a pas de transition cohérente. Ça fait un peu patchwork. Il manque quelque chose. Exactement. Autant dans le film 5, on avait ces effets qui étaient quand même bien faits avec les journaux où la caméra passait d'un endroit à l'autre, où on avait des séquences sans parole, mais où on suivait beaucoup d'actions et beaucoup d'images. Où là, on n'a pas ça. On n'a rien du tout. On a juste des enchaînements de scènes. C'est comme si on avait aligné des petits cubes Lego les uns à côté des autres, quoi. Un jaune, un bleu, un jaune, un bleu, un rouge, un jaune, un bleu, un jaune, un bleu, un rouge, un vert, et puis voilà. Et puis au spectateur d'essayer de recoller un peu ce qui va dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que je viens de dire, c'est donc un patchwork. Et là où on peut peut-être mettre le doigt dessus, et pourtant je suis pas une technicienne, c'est peut-être un problème de montage. C'est assez décousu. Ouais, j'allais dire la même chose. Et c'est vrai qu'ils l'ont monté deux fois ce film, non? J'ai entendu des trucs comme quoi le premier film qu'ils avaient fait, il n'était pas spécialement bien. Il n'y a pas de scène de transition, il n'y a rien. Et peut-être que ça vient de là. Mais encore une fois, je ne suis pas technicienne, donc j'en sais rien. Oui, oui, c'est vrai que le montage joue beaucoup. Au montage, ils auraient pu faire un truc plus rapide, en fait. Et plus fluide. Je pense qu'on se serait moins rendu compte que c'était saccadé si ça s'enchaînait plus vite. Possible. Parce que dans le film 4, par exemple, ça va très très vite. Et en soi, c'est assez saccadé aussi. Ouais. Enfin, il n'y a pas vraiment de lien entre beaucoup de choses. Mais comme on passe de l'un à l'autre super rapidement, on n'a pas vraiment le temps de s'en rendre compte. Ouais, mais sur le coup, je trouvais aussi que c'était très saccadé dans le 4. Et que, les coupes tranches au couteau, si, bah moi, ça m'a choqué, en l'occurrence. Parce que les coupes comme ça, très nettes. Alors que dans le 5, il se ménage quand même des transitions qui rend le récit plus fluide. C'est la seule chose que moi j'ai aimé dans le film 5. C'était les transitions. Et le fait qu'un livre de 1000 pages, ils arrivent quand même à te le compresser, parce qu'il est vrai que, même Rowling l'a dit, il y avait des longueurs dans le 5. Donc, ils avaient réussi à le compresser un petit peu, c'était pas plus mal. Il faut dire que le livre 6 a un statut un peu bâtard dans la trilogie, c'est que si on prend les regroupements logiques, et je crois que c'est quelque chose qu'avait fait Rowling à une époque, c'est que on peut très bien grouper ensemble les 1, 2, 3. D'une part par le volume, d'autre part d'un point de vue logique, c'est que le 3 c'est la conclusion d'intrigue qu'on commence à initier dans le 1 et le 2. Tu as le 5 au milieu qui fait pivot, et le 4 au milieu qui fait pivot, et le 6 n'est que l'antichambre du 7 et du 7. Et Rowling le disait, Rowling n'est pas suffisamment intelligent pour le dire tout seul, mais Rowling le disait, donc c'est un. Oui, non, mais je l'aurais pas dit aussi bien. Mais c'est un. Vraiment un film de transition qui justifie quelque part ses longueurs. Mais mis à part cela, c'est vrai qu'il est mal rythmé. Parce qu'il y a des fois, on s'ennuie. Non, je trouve pas qu'on s'ennuie trop dans le 6, dans le sens où justement, comme c'est des scènes qui indépendamment sont pas mal, mais qui n'ont pas trop de suite, et puis surtout, mais encore une fois, c'est une histoire de montage, parce que je sais qu'on l'a expliqué, mais les histoires d'eux, au lieu de tout apprendre à la fin, ils nous ont tout remis dans l'ordre avec l'histoire de Draco, ça s'explique, on en a déjà parlé, mais c'est justement cette histoire de on remet tout dans la chronologie qui fait qu'on n'a pas cette exaltation que nous on a eue pendant la lecture, de vouloir comprendre, de vouloir savoir, et tout est mis bout à bout, plan, et la magie prend pas, sur le coup, faut le dire, la magie prend pas. Il y a des moments où on s'ennuie, il y a des moments où il y a des longueurs, quand t'attends, allez, texto, c'est rien du tout. Deux secondes et demie pour que la pomme revienne et qu'il ouvre le placard, tu dis mais c'est bon, t'as compris, la première fois peut-être, ouais, mais la deuxième fois t'as compris qu'il va envoyer l'oiseau, etc. Enfin, tu sais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'histoire d'une seconde de trop par ici, trois secondes de trop par là, quoi. C'est pour ça qu'on dit c'est du montage. Non, mais le truc de la pomme, bon, la première fois c'est vrai que ça passe, mais la deuxième c'est quand même un oiseau et il revient mort, et c'est quand même là qu'on voit que Drago a quand même peur. C'était de l'échec. Un oiseau. Oui, mais on l'avait compris avec la pomme. On l'avait pris. Mais compris, moi j'ai vu ça comme ça, quoi. C'est que l'oiseau. Ce qui veut dire, c'est que ça, c'est, le montage manque de dynamisme. Ouais. Par moment. Effectivement, c'est plan. Et on pourrait dire la même chose de la musique. La musique, c'est pire que ça. La musique, c'est pire que ça. C'est la même musique que le film d'avant. C'est identique. C'est la même. La musique du générique de fin, c'est la même musique que le feu d'artifice des Weasley quand ils s'en vont avec le dragon. C'est la même. Mais déjà quand on dans la boutique des Weasley, il reprend la musique, oui, de Firework, voilà, qui était la musique des Weasley dans le film 5. Mais d'ailleurs, il l'a dit, hein, il s'en va, il veut pas faire le film d'après parce qu'il dit que ça lui prend trop de temps sur sa vie personnelle et professionnelle, et que voilà. Il a pas passé beaucoup de mais temps à faire ça. Mais ça, c'est les leitmotifs qui reviennent suivant les personnages et tous les trucs qui reviennent. John mais Williams, il a fait les trois premières, t'as pas une BO qui est similaire à l'autre. D'accord. Oui, mais les carrément. Les thèmes sont là dans les BO de John Williams, mais la musique est différente. Oui, et même dans le 4, la musique est pas mal. Mais je veux dire, à partir du 5, même dans le 4, quand tu ouais, à partir du 5, moi, mais je suis d'accord avec vous. À partir du 5, la musique, qui normalement devrait jouer un rôle important dans le film, puisque c'est elle qui donne des sensations. Ça rajoute un plus. C'est un vecteur d'émotion important, la musique. La musique fait partie intégrante d'un film. C'est un truc qu'il faut pas zapper. Et je trouve que là, justement, ils ont zappé la musique, ce qui fait que le film, il est un peu plat. Je suis désolée, mais la musique, c'est une partie du film, quoi. C'est pas que des images et des répliques et tout. C'est un truc en plus. Ça véhicule des sensations et tout. Et sans musique, et ben voilà. On peut regarder le film sans la bande son. Limite. Exactement. Enfin, si, pour les répliques, mais sans musique, quoi. Tu pourrais regarder dialogues, sans rien même. C'est tout. Pas de bande sonore. Enfin, pas de score. On l'enlève, c'est tout à fait pareil. Parce qu'elle apparaît comme ça deux ou trois fois par moment, mais je veux dire, voilà quoi, il y a rien de... J'ai rien retenu aucun thème, tu vois, là, je... On retient, je suis d'accord avec vous, on ne retient aucun thème. Moi, j'ai vu le film hier, la musique ne m'est pas restée dans la tête du tout. On sait qu'une musique, c'est absolument hyper important. John Williams nous l'a prouvé en 1977, hein. Oui, c'est bon, c'est bon. Parce que d'un film de science-fiction auquel les acteurs n'ont rien compris, il en fait un space opéra, un truc absolument divin. Donc... C'est la réplique Star Wars de l'épisode. Non, je crois que j'ai réussi à le placer avant. Mais en fait, c'est vrai que... On peut avoir un thème. Le thème d'Edwige, on le retrouve tout du long de tous les films, parce que bon, c'est Harry Potter, c'est comme ça, d'accord. Mais pour autant, les arrangements changent. Et de ne pas se casser la tête à ne même pas refaire les arrangements pour le thème des frères Weasley, c'est vraiment de la fainéantise. Ils étaient en manque d'argent ou quoi? Cette bande-son, on ne l'entend pas. Il a zappé ce point, et je trouve ça pourtant, c'est un point crucial dans un film. Très dommageable, c'est très dommageable ce qu'il a fait sur la musique. Mais honnêtement, moi, c'était le point au moins, quoi. La bonne nouvelle, c'est que John Williams est en pourparlers pour reprendre la musique des deux derniers films. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère. Et puis en plus, c'était qui s'occupait, parce que le 5 et le 6, c'est le même, quoi, en plus. C'est Nicolas Sarkozy, c'est le même compositeur pour le 5 et le 6. C'est mauvais. Ouais, Patrick Doyle, il était bon sur le 3. Il était très bon. Ouais, parce que Patrick... Le compositeur s'appelle Nicolas Hooper et il a confirmé qu'il serait pas de retour pour le 7. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Parce que même Patrick Doyle, il est connu, quoi, je veux dire. Il est connu, il a travaillé avec Kenneth Branagh et tout, il est bon, Patrick Doyle. Ouais. Il a été courageux. Il me semble qu'il était là parce que c'est un copain de Yates, en fait. Ouais, c'est pas étonnant. Ils avaient vachement travaillé ensemble. Mais c'est la première fois que j'entendais parler de lui, et puis je suis bien contente qu'il se barre, quoi. Mais il y a des duos comme ça entre James Cameron et James Horner et tout. Il y a des duos entre Spielberg et John Williams. Ah, mais carrément, j'ai rien contre les duos. Il y a des duos qui marchent très bien. Mais là, bien, je suis désolée pour le 5 et le 6, il nous a ruiné la musique, quoi. Il y a aucun thème qui voilà, quoi. Moi, je suis désolée, mais je suis pointilleuse sur ce point et ça m'a énervée, quoi. Attends, t'inquiète pas. L'autre bonne nouvelle, c'est que tu n'achèteras pas le DVD, la musique, la BO, je veux dire. Tu n'achèteras pas la BO. J'ai fait l'erreur d'acheter la 5, mais pour la 6, je la télécharge. Non, il y a une musique de Hopper que j'ai bien très légale du film 5. C'est celle de Poudlard. Enfin, c'est celle du Hogwarts Express. Qui est encore intéressante, mais c'est vrai que tout le reste, et c'est vrai qu'il faut quand même avouer que sa musique Fireworks, celle des frères Weasley qui est reprise dans le film 6, dans le générique de fin et dans la scène des frères Weasley, est quand même assez intéressante. Oui, elle est sympa. Mais je sais pas, c'est pas des trucs qui te restent en tête, tu sais, la mélodie qui te reste 3 jours en tête ou des trucs qui te... Celle-là, elle te reste en tête, mais on la connaît déjà, elle a 2 ans. Mais voilà, il n'y a pas de renouveau. Il n'y a rien, c'est plat. C'est sûr qu'il n'y a pas de différence, quoi. Enfin, à la différence d'un John Williams qui passait son thème des deux premiers films, le thème d'Edwige dans les deux premiers films, qui est un thème majeur, et qu'il passe en mode mineur pour l'introduction du troisième film, il y a très peu de différence, mais c'est énorme quand tu l'entends. Ouais. Et tout de suite, tu sens que le film, il ne va pas être pareil. Mais tu vois, par exemple, pour des scènes bien ratées comme la mort de Dumbledore, je pense qu'on aurait eu une musique qui aurait collé à la scène, ça aurait remonté après un petit peu. Les leçons de musique de Jean-François Seguin. Ah, mais carrément, tout à fait, ça manquait. Le musical de Tonton Smokeman, à savoir tous les jeudis soirs, Tonton Smokeman vous détaille l'harmonie et les différentes cadences des thèmes d'Harry Potter. Mais non, mais c'est vrai! C'est non, vrai. Je suis complètement non, mais ça remplace. Je suis désolée, mais oui. C'est pour ça que la mort de Sirius et la mort de Dumbledore, moi, je les ai trouvées, mais pas émouvantes du tout, quoi. Tu vois, dans la 4, pour celle de Cédric, t'as ces violons là, tu commences à pleurer comme une madeleine et tout, mais là, que dalle, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Et c'est là où, non, je suis désolée, le film 6 sera pas mon préféré. Parce que il te prend pas aux tripes, il te reste, pourtant, il te laisse sur potentiel. La fin. Et la musique, enfin, participe vraiment. Oui, il y avait du potentiel, mais ils arrivent pas à aller au-delà. Je suis sûr, j'avais plus pleuré pour Dumbledore que pour Gandalf en son temps. Gandalf. Attends, c'est de la référence, là, quand même. Bah, je sais pas, vous étiez plus Gandalf ou Gandalf, plus... Oui, mais Gandalf, il est pas mort, donc en limite... You shall not pass. Ouais, ouais, ouais. Pardon. Tout ça, c'est des vieux. J'ai cru que Aragorn allait mourir, ah, tu sais, donc... non, je rigole. Non, je rigole. Par contre, Dobby, perso... Ouais. Enfin, moi... Non, mais... Mais même pour Gandalf, t'es pris au trip, quoi. Ouais. Par contre, une image qui est quand même magnifique. L'image des jours. Oui. Je trouve que le cadrage non, et tout. La photographie. La photographie, le niveau du cadrage c'est quand même et bien tout, bien ouais. Dans le film 5, je trouve. Elle est voire meilleure que dans le film 3. C'était quand même très très bon à ce niveau-là. Le film 3, il était bon quand même là-dessus. Mais ouais. Je trouve que moi je trouve ça magnifique. Je ne pas parce que faudrait vraiment que je le revoie pour ça. Enfin, vraiment que je le revoie. Je sais aussi, que c'est un Français qui a fait la photo et tout. Il faudrait. Oui, c'est pas ça. C'est pas pour ça que je dis ça. Mais je trouve que c'est magnifiquement fait. Les clairs obscurs sont magnifiques. On sent une différence. Enfin, on voit même les différences de scène et les différences d'époque à la photographie qu'à autre chose. Parce que, oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu de bric et de broc, les scènes. C'est monté n'importe comment. Ouais. Mais là, tu le sens. Enfin, moi, en voyant le film, j'ai dit, ah tiens, l'image a changé. On doit plus être à la même époque. En revanche, j'ai pas trop adhéré à l'extrême polarisation des lumières sur la caverne. Avec le côté extrêmement bleuté, extrêmement... je sais pas, ça m'a choqué. C'est très fidèle, très certainement, mais... Peut-être, mais c'est surtout qu'on a intérêt d'avoir une bonne télé pour avoir un rendu correct de cette scène-là. Sinon, avec le DVD, enfants, ça rendra rien. Avant la sortie du Blu-ray, achetez une Sony Bravia 1080p. Alors, non, désolé. Nous ne sommes pas sponsorisés par Sony. Ceci est un message totalement personnel. Non, je ne reçois absolument aucun. Mais Smokeman, t'as loupé le concept. C'est achetez-la, oui, mais à partir de la boutique de la Gazette du Sorcier. Oui. Nous proposons dès demain des Sony Bravia. Non, de toute façon déjà, je suis désolé, la boîte d'un DVD Blu-ray, c'est trop moche, ça s'achète pas. Je suis pas possible. Oh là là. Non, ça se télécharge comme tout le monde. Mais... Ah bon. Bon, c'est pas grave. Moi, je télécharge jamais de toute façon. Donc, non plus. Non, bien sûr que. Est-ce que vous pensez que... C'est les copains qui t'ont dit. C'est les copains qui m'ont dit. Vachement plus. Ouais. On serait pas devenu vachement plus difficile comme public nous qu'avant? Peut-être. Parce que... Moi, non, parce nous, que... Attends, on était préparé quand même à ça, parce qu'on savait, au fur et à mesure des films, on sait très bien qu'il ne faut pas qu'on s'attende à mieux. Un copier-coller et du livre, et qu'il y aura des différences. Et c'est bien, parce que ah oui, ça, le 3 nous a bien préparé à ça. C'est pour ça que on était préparé. Mais à côté de ça, c'est un de nos préférés. Le 6, c'est un autre livre préféré, donc... Oui, mais je pense que ce que je veux dire, en fait, c'est que là, on est en train de dire... On a quand même dit beaucoup de choses assez négatives sur le film, même si dans l'ensemble, on a aimé. Moi, mon sentiment, c'est que... bon, certains d'entre nous l'ont aimé, en tout cas. Alors que je pense que si t'écoutais les fans au sortir du film... Peut-être pas le film 2, mais au sortir du film 1, 3 ou 4, tout le monde était en extase, genre « Ah, oh, il était trop bien », etc. Et là, j'ai l'impression qu'au bout de 6 films, bon, peut-être aussi que c'est simplement qu'on a vieilli, hein, mais on est beaucoup plus critique de plein de points plus spécifiques que ce qu'on aurait fait avant. On est plus mature, hein. Mais ça se comprend, c'est je pour pense que c'est chose. Plus difficile de nous plaire maintenant à nous les fans de Harry Potter, parce qu'on a vu tellement de choses différentes dans les films Harry Potter que maintenant on attend le meilleur de tous, en fait. On attend que ce soit aussi fidèle que le 1 et aussi bien cinématographiquement que le 3 et aussi cadencé que le 4, etc. Je pense que quand le film 1 est sorti, on avait pas encore de podcast comme on le fait maintenant et on prenait pas 2h30 pour en discuter. C'est vrai, donc, moi je vous avoue que... Moi j'ai vu le film 1, j'en suis ressorti assez déçu. Je l'ai vu le jour de la sortie même, en 2001, ou 2002 pardon. Non, en 2001. 2001. Je me trompe pas, voilà. Et j'en suis ressorti déçu. Et je pense que si le soir même ou le lendemain, j'avais pu en discuter 2h30 ou 1h30 comme on vient de le faire, j'aurais trouvé énormément de choses à dire dessus de négatives, malgré que je les trouvais pas trop mal, mais bon. Mais à cette époque-là, idem. C'est vrai qu'on a non. Donc voilà, je suis pas plus critique qu'avant. Mais à cette époque-là, il fallait que tu rentres DS de masse, DS de maths le lendemain au collège, hein, c'est tout, voilà. Non, au collège, non mais pour mes examens de médecine, c'est absolument horrible, bordel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on a commencé le podcast qu'à partir du 5, et c'est vrai qu'avant, on regardait... Enfin, moi, je regardais les premiers juste comme ça, quoi, sans chercher la petite faille, ni la petite puce qui va faire, enfin, le petit truc qui va faire que, voilà, quoi. Je les regardais juste comme ça, quoi. C'est vrai que là, maintenant, je regarde plus dans le détail. Pas moi. Je sais pas, je me rappelle des premières sorties qu'on a pu faire entre lecteurs de la Gazette où on en arrivait à discuter des films et au final on les critiquait aussi bien que celui-ci. Moi, je te dirais que c'est mon rapport au livre en fait qui a changé, et pas tant parce que je suis mature ou je ne sais quoi, c'est aussi parce que le film 1 par exemple, tout simplement, j'avais pas lu les livres. Donc le film 1 m'a émerveillé, point. J'ai découvert le monde. Et au fur et à mesure, en fait, le 6, ça fait combien d'années que le livre 6, on le décortique? On avait tellement d'attentes pour ça. Mais oui, on avait tellement d'attentes pour ça. Ça fait 4 ans. Donc quand au bout de 4 ans, enfin, on a le film, ben, on est déçu. C'est vrai que vous imaginez, il y a 4 ans, à peu près, jour pour jour, on était à Paris en train d'attendre la sortie du livre 6. Bah oui. Donc ça, enfin, ça compte tout ça justement. Et le film 1, on n'a pas attendu autant de temps. Donc on n'avait pas autant d'attentes sur le film 1. On n'avait pas autant décortiqué le livre 1 que ce qu'on l'a fait. Donc on avait moins d'attentes. C'est vrai. Moi j'ai commencé à les revoir au cinéma à partir du 3. Donc oui. Après chacun a un 1 et 2 en DVD. Différent. Après c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai que depuis que je suis sur la Gazette et tout, même le 4. Même si on n'avait pas encore de podcast à l'époque, c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à décortiquer, quoi. Et c'est vrai que les trois premiers, voilà, quoi. Mais des trois premiers, c'était le troisième qui me plaisait bien. Ouais. Mais ce que je veux dire, ça fait un bout de temps qu'on décortique, effectivement. Mais d'habitude, genre, quelques instants après le film, tous les fans sont super positifs. Et c'est genre deux semaines après que tu commences à réfléchir et à te dire « Ah oui, tel aspect j'ai pas aimé, tel autre aspect j'ai mais pas aimé. » Mais rappelle-toi. Et je pense que si on réécoutait le podcast numéro, je sais pas moi, genre 9 ou quelque chose comme ça, qui était à la sortie du film 5, on était tous super méga excités, parce qu'on venait de le voir. Et là, je pense que le 6 est pas franchement pire que le 5. Et pourtant, on est beaucoup plus tempéré. Non, enfin, je suis pas trop d'accord. C'est vrai que pour le numéro 5, on venait quasiment tous juste de sortir du cinéma, quoi. Moi, je l'ai vu hier soir, j'ai eu le temps de laisser tomber le truc et tout, quoi. Laisse tomber, moi, hier soir, j'avais exactement les mêmes idées qu'aujourd'hui. La fin m'avait énormément déçu. Ah oui, le après, 5... oui, il y a des points que la musique ou la fin qui m'ont déçu, moi aussi, quoi. Voilà. Mais le 5, rappelez-vous, beaucoup de lecteurs c'était de la Gazette... C'était une semaine avant la sortie du tome 7, hein. Aussi, ouais, donc on était super enthousiastes. Le film 5, on avait décortiqué les bandes annonces et tout. Quand on a sorti du film, beaucoup de lecteurs de la Gazette ont descendu le film en flèche. Nous, on a été parmi les exceptions à bien l'aimer. Et parce que je trouvais qu'il avait une valeur ajoutée. C'est vrai là, il y a des erreurs qui, comme j'ai dit, vont nous amener à un film 7 qui va être mauvais. Mais c'est pour ça qu'on n'est plus critique. C'est ça aussi. Hein. Le truc du 5, c'est qu'on sortait d'un numéro 4 que, personnellement, moi, j'ai trouvé bof, quoi. Parce que, enfin, le numéro 4, il n'y en a que pour le tournoi, le bal et tout, quoi. Et il y a beaucoup de trucs qui passent à la trappe. Et du coup, retrouver un numéro 5 avec, même si c'est le plus long et tout, mais avec des trucs même minimes, quoi. Ouais. Genre, retrouver des trucs même minimes, retrouver les elfes, par exemple, qui ont pourtant beaucoup plus d'importance dans le 4 que dans le 5. Et retrouver des petits détails comme ça, ça m'avait fait vachement plaisir, quoi. C'est pour ça qu'on sortait, en fait, suivant du film qu'on a vu avant, c'est pour ça que... Voilà, quoi. Enfin, je trouve ça a de l'importance aussi. Mais tu vois, je pense qu'on aurait eu pas le même genre de réflexion si ça avait été un autre réalisateur. Déjà, le film aurait été différent, mais on aurait eu un souffle nouveau. Alors que là, c'est dans la continuité du 5, et comme on n'a plus justement cet émerveillement aux petits détails qu'on a retrouvé dans le 5, ben, ça en devient un film plat. Je plus sois Purple. Voilà. Ou peut-être c'est le scénariste, parce que pour le 6, il me semble que c'est le scénariste c'est pas du 1 et du 2 qui revient. Voilà. Alors que pour le numéro 5, ils en avaient un autre. Non ? Je me trompe, Bruno ? Je sais plus, moi. J'ai un doute aussi là. Ça. Steve ouais, Close ça, a fait ouais. tous les scénarios sauf celui du 5. Voilà. Ouais. Donc là, notamment, c'est la première fois que Steve Close travaille avec David Yates. Et ben, voilà, c'est pas bon. Et c'est la même équipe qui fera donc le 7. Bah, c'est pas bon. Voilà, donc, après, la question à savoir maintenant, c'est qu'est-ce que Rowling en pense du film 6. Ouais, bon, ça on le saura jamais. Oh, elle va forcément te dire qu'elle en pense beaucoup du bien, ouais. mais etc. Ça sera très politiquement correct. Hein. Hélas. Ouais, elle ne se permettrait pas drôle. De les descendre, à mon avis. Non. Ce serait tellement drôle. Ouais. Mais en même temps, elle est trop impliquée dans le processus de réalisation. Tout le monde se frite. Pour pouvoir le descendre. Je sais pas, on n'a pas eu trop d'écho sur son implication pour celui-là. Hein. Ouais, pour le 6, on ne sait pas si elle a vraiment été impliquée. Ouais. Hein. On sait un ou deux trucs, genre elle en a parlé. En même temps, le truc, c'est que le tournage était il y a tellement ouais, longtemps qu'on a un peu oublié ce qui se passait. C'est vrai, ça, c'est vrai, puisqu'avec le repoussement là et tout. Ouais. Mais c'est surtout qu'on n'a pas eu d'écho, c'est... genre elle a été sur le lieu de tournage, elle a parlé des personnages, je crois un peu avant la sortie du set, elle en parlait avec les acteurs de leurs personnages. Il n'y a pas que ça, elle a quand même parlé d'une séance de lecture du scénario où, genre, elle avait vu Matthew Lewis qui joue Neville dans Dubaï et elle pensait que c'était l'acteur qui jouait Cormac McLagan et des trucs comme ça. Ah ouais. Mais, d'accord. Ouais, parce qu'ils sont très qu'elle différents. A été impliquée. Mais je trouve que, ouais, c'est dans le numéro 3, même dans les commentaires DVD où elle apparaît en interview face à face quasiment avec Alfonso Cuarón. Et que bah, depuis le 4, je sais que le 4 elle s'était impliquée un peu aussi, mais après depuis on n'a aucune nouvelle quoi. Enfin, je sais pas si. Ouais. Ouais. Un truc que j'ai trouvé assez. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué en tout cas dans le film 6. C'est que les acteurs qui font qui jouent Neville ou les autres les élèves de Gryffondor quoi que ce soit dans les scènes où on est dans la tour de Gryffondor, ils sont là, ils sont derrière en arrière-plan, mais t'as l'impression que bah autant les autres films on les voyait travailler ou lire ou quoi que ce soit, autant là non ils font rien, ils sont là en train de regarder les autres acteurs, ils attendent. Du coup ils font vraiment de la figuration. Mais c'est vrai, moi j'ai trouvé ça à un moment, il y a la scène où Harry, Ron et Hermione sont devant le feu dans le canapé en train de discuter du livre de potions, et tu les vois tous en arrière-plan et bah ils font rien, ils sont assis sur les marges ou sur une chaise et ils regardent. Oh là là, c'est plat ce film. Rien. Alors qu'il y avait des petits détails sympas, genre les bonbons qui faisaient des cris d'animaux et tout. C'était tellement marrant. Et là, ils font rien. Mais c'est comme les boursouflets. On en voit un petit quart de seconde dans le coup de l'express sur les bols de Ginny. Mais on sait pas d'où ils viennent, on sait pas ce qu'ils font. Il fait rien. Et un truc qui m'a manqué dans le film dans la scène des Weasley, c'est le You Know Pooh. Vous aviez tellement rigolé avec ça. Moi, j'avais pas compris la blague. Ah, si, mais dans le train, on a vu ça apparaît juste en affiche, il me semble. Ah. Ah, j'ai pas vu ça. Mais il faut la chercher, l'affiche, dans le film, à mon avis. Mais faut qu'on le revoie. Ça apparaît dans le train. Faut qu'on le revoie, c'est ça la conclusion. Mais ça doit apparaître. Il y a plein de petits détails qui sont glissés d'image en image, mais celui-là, je l'ai pas vu. Bon, en fait, voilà. Ce film, il regorge de détails qui sont bien souvent. Mais il y a pas mal d'incohérences, donc ça fait que ça reste un peu plat, quoi. Le manque de musique aussi fait que ça reste aussi... ça manque d'émotion. Mais après, il y a des trucs qui sont vraiment très bien, quoi. Non, mais je suis pas d'accord, moi je l'ai pas trouvé plat, ce film. Non. Je veux dire, j'ai trouvé qu'il a un certain nombre de défauts, mais je trouve pas que la platitude en soit un. Je veux dire, on a cité plein des défauts d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, c'est pas qu'il se passe rien, le problème. Ah, mais j'ai pas dit qu'il se passe rien. C'est que ce qui se passe n'a pas de structure. Bah, si, il y a de plein, c'est non, ça. Non. Il peut se passer des choses, mais il n'y a aucun lien et il n'y a pas cette espèce d'exaltation qui fait que t'es embarqué par le film. Non, ouais, moi j'entendais plat dans le sens, moi, ça manque de rythme, des fois. Mais, tu sais, ouais, des fois ça accélère, ça saccade et tout. Ah, ça, je suis pas vraiment d'accord. Là, ça reste un peu monotone, on va dire. Voilà, monotone. Mais c'est ce que je dis. Il y a pas d'incrémentation dans l'action, il y a pas de climax à la fin comme on pourrait en espérer dans un film comme celui-là, dans un livre comme celui-là, avec la mort de Dumbledore qui est quand même qui nous a tous explosé un peu la tête quand on l'a lu. On n'a pas ressenti ce qu'on avait ressenti en lisant le livre. Et c'est je pense que, enfin, c'est ce que moi je trouve décevant. Est-ce que c'est ce que faudrait trouver décevant aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Faudrait vraiment demander à des gens qui n'ont pas lu les livres dans ce cas-là pour voir ce qu'ils ont ressenti de la mort de Dumbledore. Je vous donne donc d'ailleurs à tous là des devoirs de demander autour de vous à des gens qui n'ont pas lu le livre ce qu'ils ont pensé du film et de la mort de Dumbledore. Ah oui, ben moi j'ai ben oui justement. Ah bah oui, avec ton pote là. Avec mon pote qui n'a pas lu les livres et il m'a dit. Mais c'est pitoyable quoi, c'est comme dans le 5 avec Sirius, un Avada Kedavra, et hop, ils sont tous morts. Et ça manque de bastons. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais, mais ça c'est un point de vue de gars quoi, voilà, ça manque de bastons. Moi je suis pas d'accord, la mort de Sirius, elle était plutôt bien rendue. Sauf qu'il il aurait pas dû avoir un Avada Kedavra, il aurait dû avoir autre chose, parce que ça mettait un petit peu ce doute qui était très dur pour Harry. Mais elle se passe en une ligne dans le livre. Hein. Il y a une ligne. Oui, c'est pour ça. Moi, le 5, je l'ai trouvé très rapide. Donc, voilà. Moi, je l'ai trouvé pas mal. Mais la 6. Après... Mais là. Mais je l'avais déjà dit, je sais plus quand, ou peut-être sur le forum, que la mort de Sirius était très rapide et que c'était bien fait, que c'était limite fait exprès. Et que au contraire du livre 5, où ça se passait trop vite, le livre 6. Où la mort de Dumbledore était limite étirée en longueur et où c'était, bah, comme je dis encore, ça venait progressivement. Il y avait une acmé quand la Avada Kedavra était lancée qui appelait les larmes à sortir du bazar. Et ben là, je ressens pas cette différence quoi. Non, c'est vrai. Sachant qu'en plus, on n'apprend pas, enfin, on sait pas qu'il était condamné et que de toute manière il allait mourir. Donc Mais ça, on le sait pas non plus dans le livre 6. Ça non plus, on le sait pas. Hein. C'est pour ça qu'à la fin du livre 6, il y a eu beaucoup de théories. Est-ce que Rogue est un agent double, un agent simple, un triple agent Ouais, enfin, ceux qui participaient au podcast, Rogue, on a quand même bien disserté dessus, on le savait. Hein. Oui, on était pas sûr. Wow, de toute façon, il faut pas oublier la vérité fondamentale, c'est que Rogue est une femme. C'est vrai qu'il a les cheveux de plus en plus longs. Ils sont trop propres encore. Je sais pas si vous avez remarqué. Il a quand même les cheveux plus en bataille. Ah non, moi j'ai trouvé qu'il avait un petit dégradé, je sais pas, et que ça faisait moins coupe toute droite carrée comme il avait dans le 1. Mais comme j'ai dit, dans le 2, je le trouvais un petit peu bouffi. J'aime beaucoup Alan Rickman, mais je le trouvais un petit peu bouffi. Et dans le 6, je l'ai trouvé vraiment bien. Hein. Alan Rickman qui joue Rogue, il est bien, ouais, moi j'ai trouvé vraiment bien. Bien aimé. Ouais. Et Minerva McGonagall, moi j'ai trouvé. On la voit pas assez. On la voit pas. Vieilli. Ouais, elle a pris un petit coup de vieux. Ça c'est voilà quoi, ça c'est l'actrice quoi, enfin la personne. Elle a pris un coup de vieux, mais le personnage est censé avoir vieilli aussi quand même. Oui. Finalement, ça passe. Oui, mais en même temps, le personnage est censé. Oublier qu'à la fin du 5, elle passe du temps à l'hôpital et tout. On n'a rien entendu. Donc, c'est pas gênant en fait. Et vous avez remarqué son costume là avec les pointes qui partent? Oui. Je passais mon temps quand elle parlait, je passais mon temps à regarder les pointes qui étaient dans son cou. C'était très pareil, bizarre. Pareil. C'est un faux quand même. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des costumes, mais au niveau des tenues de Quidditch aussi, qui sont différentes, non? Ah, elles sont pas mal. Bon, sauf Ron qui est quand même excellent avec son casque et ses protections machin. Je le trouve mais tellement minable avec son petit chapeau là. Il est ridicule. Ça fait ridicule. Pour le petit déj. Mais en quoi elles sont différentes les tenues de Quidditch et les normes? Enfin, j'ai pas. Non, elles sont sportswear, ils ont plus de cap. Ouais, voilà. Tu sais, dans le 1, ils étaient vraiment, je crois, avec le pull en laine et col roulé, non? Non, mais là, ils avaient un pull en laine aussi. Non, ils avaient une cape. Enfin, un maillot long quoi. Ouais, mais là, ils avaient un pull en laine. Non, mais ils avaient des. Là, ça ressemblait plus à la tenue que Harry a pendant qu'il affronte les dragons et tout, je crois. Le dragon dans le quatrième. Ça fait un peu plus sport. Hein, ouais. C'est du Adidas sorcier. Parce que dans le 4, c'était vraiment ça. Hein. Ouais. C'est comment la boutique dans le chemin de traverse où ils vont s'habiller. Madame Guipure. Ouais, Guipure. Madame Guipure, ouais. Il va essayer quoi. C'est Guipure, just do it. Just do it. Guéchiffon, voilà, Guéchiffon aussi. Bon, bah sur ces chiffons, on va s'arrêter, non? Ou peut-être un mot. On reparlera du film 6 la prochaine fois. Non, la prochaine fois, on aura l'épisode 32 bis. Ah oui. Oui, enfin bon, alors, on enchaînera, on fera bientôt hein, un truc un peu plus ordonné avec un top-bottom ouais. comme d'habitude. Mais pour ça, il faudra qu'on le revoie entre temps. Oui, oui, bah moi j'y retourne ce week-end. Je crois aussi. Dès demain, je crois même, donc voilà. Oui, enfin bientôt. Ouais. Alors à la Mais prochaine fois. Mais bon, si vous avez un mot de la fin, non ? Pour ce film ? Ah bah oui, pour nous contacter. Ah oui, ah oui. Attention. Envoyez un mail à rtm@gazette-du-sorcier.com ou laissez un message sur Skype à gazette-du-sorcier ou vous pouvez parler sur notre forum qui est vers le bas de la page du forum de la Gazette du Sorcier. Oui, vers le bas pour le forum rythme ou bien sûr, mais laissez vos critiques dans le forum dédié au film 6, bien évidemment. Ah oui, il y a un forum film 6 évidemment dans lequel vous pouvez parler du film 6 avec voilà. Nous et les lirons avec attention et retiendrons les passages intéressants pour en discuter plus tard. Voilà, et donc était avec nous ce soir donc Ailis qui... fait sa valise. Elena. Au revoir. Au revoir. Smokeman. Bonne soirée. Bonne soirée. Pruno. Au revoir. Et Daddy Gueule. Et moi-même, Purple. À bientôt. Voilà, on se quitte sans musique. Ouais, parce que cette musique du film était vraiment nulle. Et on reprend la musique de Nicholas Hopper. Fireworks, que vous ne connaissez absolument pas, c'est d'une exclusivité mondiale.